Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans Les Staminaires, le premier vrai épisode de votre nouveau podcast de culture pop et de société. Un podcast qui est bien sûr distillé avec passion et dans lequel nous accueillons en grande pompe Monsieur Yanda. Wouh ! Salut Yanda, comment vas-tu ? Salut, ça va, merci, j'ai enfin réussi à trouver la porte, donc du coup je suis venu, je me suis assis et tout, c'est cool, vous m'avez gardé ma place, j'ai cru que entre temps j'allais me faire éjecter et remplacer par quelqu'un d'autre, mais finalement non, je suis à mon siège avec mon nom et tout, donc on a cherché, on a trouvé personne, donc finalement on a gardé ta place au show. Merci, imagine, t'arrives au podcast, il y a quelqu'un assis à ta place, alors bon, t'es obligé d'appeler les gens du cinéma et d'être en torche et tout ça, on en parlera tout à l'heure, puisque bien sûr on aura le droit à un aperçu du lampe torche verse offert par Chris. Ouais. Bonsoir. Ce petit blanc d'attente, oui bonjour. Faut se faire désirer un peu, quoi, c'est obligé. Et dans le public, vous avez entendu les petits criements de Valentin. Oui, bonsoir. Ça va Valentin ? Oui, vous-même, comment allez-vous ? Oui, tout va bien, ouais, vous êtes chargé là mon petit Valentin, vous êtes lesté, hein, c'est ça ? Oui, très certainement, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais... Vous nous avez dit être rempli de nourriture et être passablement fatigué. Voilà, d'où le fait que je sois un peu lent là, à comprendre ce que vous dites, cher Matt, mais j'ai mangé un bon couscous des familles, je suis ras la glotte, voilà, donc je risque de ronfler ce soir. En regardant un document cinématographique relativement inédit, absolument alternatif, oui. Le fameux Ben Thalès. Qu'est-ce que c'est le Ben Thalès? Le Ben Thalès, alors c'est donc vous connaissez Sonic le hérisson bleu, célèbre star d'un jeu vidéo. Il y a eu un film sur lui et qui est sorti cette année, donc en 2020. Et Malik Bentala a été choisi pour doubler Sonic en version française, ce qui n'a pas plu à pas mal de monde. Et donc des petits malins ont réussi à se procurer la version québécoise et à changer uniquement la voix de Sonic pour la version française. Ils ont gardé la version française originale, donc avec notamment Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey, qu'on connaît tous. Et ils ont juste changé la voix de Sonic pour enlever Malik Bentala et mettre la voix québécoise de Sonic à la place. Et ça passe très bien. On en parlera, j'imagine, tout à l'heure. Je ne sais pas. Bah, on commençait à en parler, en fait. Alors attention, parce que ça va être long, du coup. Hein. J'ai prévu toute une distance. Non, mais attends, on va reprendre le truc. Le film, du coup, est doublé. Et ça arrive souvent, on met une célébrité pour faire le doublage du personnage, voilà. Au lieu de mettre un star comédien talent, on appelle ça, absolument. C'est pour faire venir les familles au cinéma, enfin ça c'est la logique du producteur, hein. C'est ah bah tiens, on va mettre une star, on va mettre son nom en gros sur l'affiche, et comme ça va inciter les gens à venir voir notre film, parce qu'on n'a pas assez confiance en notre film pour que ça marche sans ce star talent là. Et donc là c'est Malik Bentala qui a été choisi donc pour doubler Sonic, qui est le seul star talent du film, puisque c'est pas une nouveauté en fait. Non, on a vu des trucs vrai. Fantastiques, par exemple pour doubler Superman dans les films Lego, on a pris Griezmann. Ouais, Griezmann, Superman, c'est cool. Il y a cool. Des joueurs de foot, comment Spider-Verse aussi, il y a des joueurs de foot qui ont doublé. Il y a eu Kev Adams pour doubler Gomez Adams. Ouais. Kev Adams pour la famille Adams. Bah attends, meilleure idée. Ouais, attends, les mecs ils sont ils percutent. Hein. Mais non, mais après voilà, le star talent, il y a beaucoup de mauvais, il y a un peu de bon aussi quand même. Donc le star talent, c'est quand on prend une vedette pour lui faire doubler un personnage. Exactement. pour profiter de la vedette en promo pour le film en fait. Voilà, c'est tout à fait ça pour attirer les gens au cinéma. Mais pour moi, Franck Dubosc dans Nemo est un très bon choix de star talent, parce que il se débrouille très bien et on arrive à l'oublier, je trouve, ce qui est bien en fait. C'est bien de réussir à oublier la voix de la célébrité pour vraiment se concentrer sur le personnage et se dire qu'il incarne bien le personnage. Le principal problème de cette recette là, c'est qu'en général on attend, par exemple quand Jamel fait un doublage de personnage de dessin animé, il fait du Jamel, alors qu'en fait ce qu'on attend d'un doubleur, d'un comédien de doublage, c'est comme ça qu'il faut dire, c'est qu'il fasse vivre le personnage et pas qu'il nous fasse ce qu'il fait dans la vie de tous Exactement. Les jours. Si le mec a juste sa voix normale, pardon, ça n'a aucun intérêt. Cela dit, pour Sonic, moi j'ai eu peur au début, j'avais pas compris Malik Bentala, j'avais compris Alexandre Benalla. J'ai dit étrange vedette, étrange choix quand même pour faire la voix. Bon, je sais que le mec fait un petit peu de tout, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais enfin bon, apparemment c'était pas lui en fait. Non, non, mais ça aurait pu, hein. Il court très très vite pour se planquer ailleurs et puis ne pas en répondre aux autorités, donc ça aurait pu marcher. On retrouve jamais c'était les anneaux possible. Qu'il a planqués. voilà, donc pour en revenir à notre petit hérisson bleu, donc c'est Bentala qui a été choisi pour doubler Sonic. Alors que Sonic a une voix française hein, dans les jeux vidéo, là je suis pas assez pointu pour vous sortir les noms, mais dans les jeux vidéo, Sonic a été doublé par plusieurs personnes. Donc ils auraient très bien pu prendre ces acteurs-là, enfin ces comédiens-là pour doubler Sonic sur le grand écran, mais ça n'a pas été le cas et ça a pas mal grogné le choix de Benalla, de bah voilà, Bentala. Je, voilà. de Malik Bentala, pardon, on a fait grogner plusieurs, notamment quand il a commencé à ouvrir sa gueule pendant les interviews et on a clairement compris que ce mec-là ne connaît absolument pas Sonic. Il a dû jouer une heure ou deux quand il était gamin et c'est tout. Son rapport avec le personnage, il s'arrête là, quoi. Le problème, si je peux me permettre, ouais. À la rigueur, le mec vient cachetonner et il fait une voix pour le film Sonic, qu'il ait jamais joué au film Sonic. À la rigueur, c'est pas dérangeant. Le problème, c'est quand en interview, il dit « Je suis un gros fan du personnage ouais, » ouais. et que quand il cite des références, il en place pas une dedans. Ouais, et puis même enfin... Un star talent, une vraie célébrité qui aurait vraiment un rapport ou une affinité particulière avec Sonic, ça aurait été logique. Enfin, tu vois, je sais pas, mettons que, je sais pas, Jean Dujardin soit un grand fan de Sonic et que ce soit de notoriété publique. Tu mets Jean Dujardin pour doubler Sonic, tu fais « Ah bah ouais, c'est assez logique, ça peut être rigolo et tout, on sait qu'il aime bien le perso et tout, machin. » Lui, Bentala, tu vois bien que... il s'en fout du perso et que effectivement il vient juste prendre son pognon et se faire je sais même pas s'il a kiffé en fait, tu vois, mais au pire se faire un petit kiff et puis repartir, mais c'est fou. Ça n'a aucune logique, ça n'a pas de grand intérêt et en plus bah c'est pas très très bon quoi, il est pas exceptionnel. Je vais... Toi t'avais vu du coup la version française? Alors, avec Bentala. Alors, je Malik, c'est quoi son nom? Malik Bentala. Malik. Ouais, Malik. J'étais Malik ou Malek, j'étais perdu. Non. Alors, pour être tout à fait franc, j'ai vu le film en VO au cinéma, j'ai vu la bande-annonce en français et j'ai vu quelques passages du film en version française. Donc, j'ai pas vu tout le film en version française, mais le peu que j'ai vu où je me suis arrêté pour écouter Bentala jouer Sonic, ça ne m'a pas convaincu du tout. Voilà. Donc, personnellement, si je devais revoir le film, ce serait en VO. Sauf que, comme je disais, des petits malins ont réussi à mettre la voix québécoise de Sonic à la place de Malik Bentala en gardant le reste du casting français, enfin des voix françaises. Et bah, ça marche très bien et l'acteur se débrouille très bien et bien mieux que Malik Bentala. Et si je dis pas de bêtises, il s'agit du... J'ai peur de dire une grosse connerie, mais il s'agit, je crois, du doubleur de Sonic dans les jeux québécois, mais j'ai peur de dire une grosse bêtise. Donc, au pire, vous me corrigerez, vous direz... Tu nous as habitués à te fact-checker pendant que tu parles, donc ouais. On attend la même exigence de qualité de... Ouais, de ouais, ce ouais, qui est ouais, assez dingue, sauf qu'il faudra... Ce qui est assez dingue avec Malik Bentala, c'est que c'est du star talent, et du coup, c'est un double échec, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Du coup, là, vu que tu étais en train de parler, je me suis dit, ouais, super, il va parler, je vais pouvoir fact-checker, mais c'est... Ah non, c'était juste de la méchanceté gratuite, il n'y avait pas de... Après, alors, si tu veux le temps de te fact-checker, vas-y, vas-y. Mon cher Val, moi, j'aurais deux trucs par rapport, je vous ai écouté très sagement et tout, je me suis dit, ouais, ok, voilà. Qui est cette voix dans ma tête? Qui est cette personne qui nous parle? Mais attendez, mais comment ça? D'abord, je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est que je suis effectivement pas persuadé que les producteurs, ils ont cette logique de fanbase, c'est-à-dire d'aller chercher un fan talent, enfin un star talent en rapport avec l'univers et dont on sait qu'il est de notoriété publique, etc., etc. Je pense pas du tout, je pense qu'eux, ils sont vraiment dans une optique de star talent, le mec va faire venir et va faire déplacer, et en l'occurrence, Malik Bentala, qu'on apprécie son humour ou pas, ça c'est propre à chacun, mais auprès des jeunes, il est hyper connu, il a une très très grosse fanbase et communauté relativement jeune, et de ce point de vue là, et purement celui-là, c'est pas tout à fait déconnant de l'avoir pris en star talent. Il y a qu'à voir, il y a pas très longtemps, il a fait... Il a fait une OP un peu buzz en débarquant en surprise dans les cours. Vidéo et les réactions des lycéens sont complètement dingues et tu te dis ok d'accord, c'est en corrélation avec le public ciblé, donc de ce point de vue là je trouve pas forcément ça trop déconnant en termes de choix. Après par contre que sa prestation soit merdique, bah bon, ça reste un humoriste, c'est pas un comédien. Comédien de doublage, comme par hasard, figurez-vous que c'est un vrai métier en l'occurrence, et c'est un métier hyper exigeant parce que tu n'as que ta voix et pas tes mimiques et tes attitudes que peut avoir un vrai comédien. Donc là, effectivement, c'est un petit peu plus problématique. Mais sur le choix en tant que tel, je trouve pas ça forcément foncièrement déconnant d'un point de vue purement marketing. Après, oui, sur la fanbase, complètement. Mais pour moi, c'est presque, si je caricature à peine, je dirais que c'est moins déconnant d'avoir un Malik Bentala en voix qu'un Antoine Griezmann pour Superman, même s'il dit deux phrases, quoi. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi, du coup, parce que pour le coup, c'est exactement la même logique. Alors, il plaît aux gosses, il peut faire rentrer des gens dans les salles. Parce que je suis d'accord avec toi, hein, d'un point de vue purement marketing, ce choix est logique. Mais. Mais parce que, alors pour moi, enfin, ouais, mais c'est peut-être biaisé, Malik Bentala aurait plus facilement tendance à avoir un impact auprès de sa communauté pour faire déplacer les gens voir le film, que Griezmann, ouais, va parler aux enfants, mais après, bon, je suis peut-être un peu biaisé parce que j'ai tendance à pas forcément voir les films Lego comme des films vraiment pour enfants. Et pour enfants, du coup, l'âge de Griezmann, je vois mon fils qui va avoir 9 ans, mais à l'époque de Lego, il avait 7 ans. Ultra fan de Griezmann et... Bon, je l'ai vu le film Lego avec lui, il a pas kiffé plus que ça, moi non plus, mais c'est bien mon fils. Mais du coup, je suis pas persuadé que pour le coup, la cible principale de Griezmann, qui vont être les enfants en l'occurrence et qui vont voir Antoine Griezmann dans le film, c'est plus logique qu'un Malik Bentala, où pour le coup, effectivement, les pro fans de Sonic et du Sonicverse vont être scandalisés à raison parce que ça n'a rien à voir, mais la cible grand public, il est en plein dedans. Ouais, c'est parce qu'en fait la com du film est pas calculée en fonction des fans hardcore qui jouent à Sonic depuis la Mega Drive. Il est calculé pour toucher le public qui va voir le film pendant les vacances. C'est sorti quand, pendant les vacances de Noël, enfin, ou un peu avant, j'en sais rien, je sais pas trop, mais c'est sorti à Noël. Sonic. Ouais. Non, c'est sorti en février, ça a été décalé parce qu'ils ont changé le CGI de Sonic. Ah oui, c'est vrai. C'est enfin, sorti le 14 février. Donc bah, coup, pour les vacances de... oui mais c'est pareil. Du coup pour les vacances de février ça marche aussi. De toute façon là ça fait à peu près 6 mois qu'il se passe plus rien en France entre les grèves et le confinement, alors on n'est pas à 2 jours près, voilà. Je pense que la cible c'était ça, c'était que les gamins viennent voir le film. Après que les mecs de 40 ans qui ont saigné Sonic sur leur Master System, ils aiment pas Malik Bentala, les mecs qui vendent le film en France, ils s'en battent. Bah oui, mais bien sûr, mais ça remet pas en question Mais après, on est d'accord, bien sûr, sur le fond, hein, mais le marketing ne marche pas au feeling par rapport aux fans, quoi. Pour le coup, je trouve le film vraiment, vraiment super bien. Pour un film familial, ça marche du tonnerre, ça fout la patate. Le film n'avait pas besoin d'un argument comme ça pour se vendre. De base, le film est bon, en fait. C'est dommage. Moi, je trouve ça assez dommage. Donc, le doubleur québécois, il s'agit de Maël Davant-Soulas. Salut Maël, bienvenue. Voilà, qui a doublé, en fait, j'avais déjà entendu parler de lui, il s'est exilé, j'ai envie de dire. Il est parti de France pour aller vivre au Canada, du coup. Mais avant, c'était une voix française. Il a notamment doublé Chris Evans en tant que Captain America dans Captain America, avant de laisser la main à un autre acteur que je n'irai pas fact-checker. Mais voilà, après Captain America. America 2. Après Avengers, pardon. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais vous parler de ce doubleur français exilé au Québec. Ouais, voilà. Oui, et donc... Alors, du coup, voilà. Donc, cette version franco-québécoise qui est sortie aujourd'hui, même sur vos sites de torrent préférés, ah là là, le téléchargement, c'est mal, Donc c'est vraiment bien, bien fichu. Ils ont retiré Bentala pour ne mettre que Maël à place pour Sonic. Et le reste du casting vocal français reste là. Donc il y a notamment Philippe Valmont qui a l'habitude de doubler, comment il s'appelle, Matt Damon. Ou évidemment Emmanuel Curtil qui double Jim Carrey, notamment dans Ace Ventura et surtout The Mask. Il y a un gros clin d'œil à The Mask dans la version française de Sonic d'ailleurs. Et ça marche super bien et je suis bien bien content d'avoir pu le voir dans cette version-ci parce que Curtil donc double admirablement Jim Carrey depuis des années et particulièrement bien dans ce film-là où il y a tout un jeu sur la synchronisation labiale où il y a des trucs de taré c'est d'une qualité rare en termes de doublage français, c'est d'une qualité rare ce qu'il fait dans Sonic. C'est vraiment incroyable, ça marche trop trop bien, il y a une alchimie entre le comédien de doublage et l'acteur qui est incroyable, enfin c'est vraiment mortel. Et du coup, j'ai pas compris, t'as aimé ou pas? pas très clair. Ouais, non, c'est clair. C'est sympa. Juste pour parler en termes de technique en elle-même, j'ai entendu qu'une seule coquille, un bout de la fin d'une phrase en français qui chevauche une phrase avec l'acteur canadien ou inversement. Je l'ai entendu qu'une fois dans le film, c'est assez subtil, donc voilà. Par contre, ce qui m'a vraiment gêné, mais ça apparemment, ça vient du matériau de base, le mixage en lui-même est très très chelou. Il y a des moments où les dialogues sont sous-mixés par rapport au reste et donc du coup on comprend pas trop ce qui se dit, mais ça c'est possible que ça vienne du mixage en lui-même effectivement, qui a peut-être, ça j'ai pas vérifié, mais qui a peut-être été fait aux États-Unis, ça arrive ça, que en fait ce soit des Américains qui mixent les rushs français qu'on leur envoie, et comme ils sont pas habitués à la langue, ils ont tendance à sous-mixer les dialogues parce qu'ils se disent ah bah ouais ça c'est bon, c'est compréhensible et tout, alors que bah non en fait, quand tu es français tu te rends compte que tu captes pas forcément tout ce qui se dit. Bref, quelle bande de cons ces Américains, vraiment c'est pas possible. Voilà, donc le mixage est un peu chelou, mais ça vient pas du travail qui a été fait pour adapter, enfin pour faire cette version franco-québécoise, ça viendrait du matériau de base et c'est un truc de fan, on est d'accord, tu parles des qualités là en pinaillant un peu sur le mixage, mais c'est un truc qui a été fait par des mecs chez eux quoi. C'est ça, absolument, ça n'a rien d'officiel du tout, ça a été fait avec deux versions officielles, la version officielle québécoise, la version officielle française, mais en elle-même, du coup, forcément, cette version-là n'a rien d'officiel du tout, du tout. Juste, le seul truc qui est emmerdant dans cette version-là, et ce qui fait que cette version n'est pour moi pas parfaite, et qu'aucune des trois versions, ni la VO, ni la VF, ni la version franco-québécoise ne sera parfaite, mais c'est que les raccords ne marchent pas à fond, dans le sens où il y a des mots québécois, qu'on ne dit pas nous, et inversement. C'est-à-dire que, si vous avez jamais, on aurait peut-être dû commencer par là d'ailleurs, mais si vous avez jamais écouté de version québécoise pour les films, ils vont pas parler avec un accent comme ça, ils vont parler vraiment avec un... Eux, ils se forcent à faire un accent français, donc tu remarques pas tout de suite que c'est la version québécoise. Tu le remarques sur deux points précis, sur la manière, les prénoms, sur la manière dont ils parlent, dont ils prononcent les mots anglais, parce qu'ils vont le dire vraiment avec un accent anglais, enfin un vrai accent, ils vont pas prendre un accent français comme nous, pour dire par exemple Avengers, les Avengers, voilà, ou Green Hill dans Sonic, voilà, c'est Green Hill, ils font vraiment avec l'accent quoi. Et donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est ces fameux mots, ces fameux noms communs qu'ils disent et que nous on ne dit pas. Par exemple, saviez-vous qu'un donut en fait au Québec se dit une beigne? Moi, je ne le savais pas. Je l'ai appris ce soir en regardant Sonic, parce que le sidekick de Sonic dans ce film-là, Sonic le surnomme le seigneur des beignes. Donc, le seigneur des donuts, en fait. Donc, du coup, quand Sonic s'adresse à lui, il fait « Hey, seigneur des beignes, machin », enfin voilà, il dit sa phrase, et l'autre lui répond « Mais pourquoi tu m'appelles le seigneur des donuts ?» Bah non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit seigneur des beignes. Donc du coup, ça marche pas quand tu lui réponds avec un autre mot. Voilà. Et pareil, un autre moment dans la voiture, la scène de la voiture, il fait ah, il faut que j'aille récupérer mes anneaux. Et le mec répond quoi, mais pourquoi tu me parles de ton sac à anneaux? Bah non, il a juste parlé d'anneau, il a pas parlé de sac du tout. Donc voilà, il y a des différences entre les deux versions qui font que, bah du coup, quand les personnages se répondent, tu vois la supercherie, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais en même temps, tu sais pourquoi tu vas télécharger cette version. Si tu tombes dessus, c'est pas par hasard. Donc voilà, tu fais avec. Et le travail reste excellent. Donc bravo ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Bravo aux pirates, bravo les pirates, bien joué. Merci d'être là. On parle quand même d'une version qui est dispo d'un film qui est sorti il y a 2 mois. Ouais. Bah, du coup, parce qu'il est déjà, tu peux déjà te le procurer en VOD, j'en suis quasiment sûr. Donc voilà. Mais, j'en serais fort surpris, mon petit Valentin. De quoi ? J'en serais fort surpris. Non, moi je pense qu'avec le confinement, ils ont accéléré les diffusions. La chronologie des médias, d'accord. Birds of Prey est déjà disponible en VOD. Oui. Ok. Oui, il y a une liste d'exceptions. Donc, il y a certains films qui ont droit et d'autres films qui n'y ont pas droit. Ouais, voilà. Donc, tu peux déjà trouver. Et je crois que Sonic en fait partie, du coup. Donc, et le film Kaamelott, du coup, on peut déjà le trouver ou pas encore? Ouais, si t'arrives à pirater le disque dur d'Alexandre Astier, je pense que t'as moyen de le trouver. Voilà, donc c'était ma petite review de cette version franco-québécoise. J'aimerais bien féliciter les personnes qui sont derrière, donc parce que je sais qui c'est, mais je sais pas s'ils veulent bien que je le dise. Donc voilà, en tout cas, je vais les féliciter. Bravo à eux et c'est formidable. Alors on vient de recevoir un message de Adopi qui lui aussi voudrait bien pouvoir féliciter ces personnes. Donc n'hésite pas à les nommer. Hein. C'est de bon ton. Voilà. Donc tu veux dire ce sont des gens qui sont dans nos listes de connaissances. Dans mes listes de connaissances à moi, en tout cas. Ah, très bien. Voilà. Et ouais, Sonic, si vous l'avez pas vu, matez-le, parce que c'est vraiment, vraiment très bien. Ouais, pour le coup, ça fait partie des films qui ont une bonne réputation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un peu comme Détective Pikachu, qu'il faut que je vois, que je n'ai pas vu, mais dont j'entends beaucoup de bien. Et bah, j'ai l'impression que là, les films adaptés de jeux vidéo commencent à comprendre un peu comment ça fonctionne. Parce que, ouais, en sortant de Sonic, je me suis dit, putain, c'est le deuxième film adapté d'un jeu vidéo qui est vraiment très bien en termes de film familial. Et effectivement, Pokémon Détective Pikachu, c'est super chouette aussi, ouais. Je valide totalement Détective Pikachu. J'ai grave kiffé le film. J'attendais vraiment rien, tu vois. Au pire, je me suis dit, ouais, ça va juste être sympa. Et en vrai, j'étais à fond dedans. Et j'ai vraiment kiffé. Ouais, que j'ai maté en français aussi, pour rien que pour avoir les noms des Pokémon en français. Parce que je. Bulbasaur, non, moi c'est Bulbizarre, merde. Voilà. Eh ben écoutez, dès que les vidéoclubs seront ouverts, j'irai me procurer ces documents cinématographiques. Non, mais c'est plutôt bien de voir qu'il se passe des trucs un peu originaux. Ouais, des trucs originaux autour des adaptations de jeux vidéo, puisque les enfants des années 90, comme moi, comme Chris, ont connu l'adaptation de Super Mario, par exemple, en film avec Bob Hoskins et John Leguizamo, qui jouera dans le film Spawn plus tard. Qui joue le clown dans Spawn, ouais. Bah, puisque t'as pris la parole, garde-la, t'aimes alors bien moi, le film Super Mario. Écoute, au début, j'étais comme tout le monde, je pensais que c'était un peu un nanar, tu vois, c'est un peu... Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont donné une autre vision, notamment mon frère, mais il n'y a pas que lui, je crois que Punky en avait parlé. Karim Debbache a fait un super... C'est peut-être Karim Debbache, ouais, c'est peut-être Karim Debbache. Sur Crost, c'était le premier épisode de Crost. C'est le premier épisode de Crost, ouais. C'est vachement bien ce qu'il dit, ouais. Chris, il a de vrais problèmes, il mélange son frère et Karim Debbache. Non, mais il y a plusieurs personnes, et mon frère a fait une vidéo dessus aussi, et ils sont assez d'accord sur cette question-là, qui est qu'en fait, remis dans un univers cohérent de science-fiction, et ben le film ressemble plutôt à ce que ressemblerait à ce que pourrait ressembler Mario. C'est pas très français. À ce à phrase, quoi mais... pourrait ressembler Mario. Ouais, bref, ça ressemble à ça ressemble à ce qu'on voilà. Écoute-moi bien. Ça ressemble globalement à ce que pourrait être Super Mario dans un univers de science-fiction réaliste. Voilà. Et du coup, c'est pas totalement débile si tu le regardes avec cet œil adulte, réaliste et axé SF hardcore, si on peut dire. En mode Blade Runner, et ben, faut pas comparer Super Mario à Blade Runner, hein, c'est un peu dur quand même là, ok, mais, et ben, le film est intéressant. C'est pas le Super Mario que tu t'imagines avec son royaume champignon et tout. Si t'as grandi en jouant au jeu sur NES avec les dessins animés, ça marche pas du tout. Ah oui, c'est pas coloré. Hein. Non, voilà. Mais si tu le regardes avec comme une adaptation, parce qu'il faut pas oublier que c'est des adaptations et donc que ça doit pas nécessairement être super, fidèle et que ça peut prendre des tas de libertés et que ça peut réinterpréter des tas de choses. Et ben, c'est une interprétation en mode SF réaliste de Super Mario qui fonctionne. Voilà. Voilà, donc on peut rajouter Super Mario à notre liste des films à voir, en fait, avec Détective Pikachu et la version franco-québécoiso machin de Sonic. Ah, il accuse le poids des années, Mario, quand même. Hein. Je pense, je suis pas sûr qu'il est hyper bien vieilli. Hein. Non, c'est un peu vieilli, mais pour l'idée en fait qu'il y a derrière, pour l'interprétation de l'univers de Mario, ça reste à la limite, à défaut d'être un vrai nanar mauvais, ça reste au moins une expérience, on peut dire, une réinterprétation assez intéressante de Mario, quoi. Moi, je me souviens d'une interview de Bob Hoskin, du coup, qui joue Mario dans le film. Ça devait être dans Player One ou un truc comme ça dans les années 90. Et le mec en promo dit, mais de toute façon, moi, je suis pas sûr d'avoir compris le film, en fait. Non, c'était bien. Donc voilà, c'est nos films à voir. On va parler de nos piles à lire après nos films à voir, parce que nous sommes des lecteurs de comics, et notamment Mister Yonda est un spécialiste de DC Comics, Chris est un spécialiste des bizarreries comics. Mister Yonda, il y a quoi dans ta pile à lire en ce moment ? Il y a quoi dans ma pile à lire en ce moment ? Il y a pas mal de VO, j'ai beaucoup de VO à rattraper en retard. Mais ton snob en fait ? Ouais, c'est bah, je fais mon puriste, hein, tu sais. Ah, très bien. Ouais. Le comics, on lit en VO, hein, nous, on n'attend pas la VF avec 6 mois de décalage, c'est bon, quoi. parce que bon, voilà. Non, mais après, en VF, je me suis attaqué à la VF à faire tomber un peu la pile à lire, donc j'ai descendu le Untreasure One, Green Lantern, Emerald Twilight, j'ai commencé le Foxboy de Laurent Lefebvre qui est sorti avec Comics Initiative là il y a pas très longtemps. Donc je suis sur ça en ce moment pour la VF et The New Frontier que je me lis par avec parcimonie parce que je déguste le Darwin Cook. Okay. Son travail, pas le Darwin Cook en tant que tel, parce que paix à son âme. Ne dégustez pas des gens, hein, c'est très dangereux pour la santé, puis c'est puni par la loi, donc faites pas ça chez vous. Puis des gens malades en plus, enfin voilà, c'est bon. C'est avec le pangolin, tout ça, bref. Donc du coup, ouais, je suis sur ça. En VF, Foxboy, et en VO, Batman, Nightwing. Voilà. T'as lu This Is, l'histoire de zombies de DC Comics ? C'est bien ? This Is, moi j'ai trouvé ça cool, ouais, parce que Tom Taylor, dans un univers alternatif, donc Tom Taylor, c'est le scénariste. C'est ça, Tom Taylor c'est le scénariste et dessinateur c'est Trevor Hersheim, qui est connu des lecteurs de Valiant et des travaux qui ont été publiés chez Bliss notamment. Et du coup, c'est un ersatz de Injustice, on va dire, c'est-à-dire qu'il prend les persos d'ici, il fait un point de départ préétabli, il est hors continuité et il s'éclate, il fait ce qu'il veut, et là pour le coup il s'éclate vraiment bien parce qu'il part dans un délire de... Voilà, de zombies pseudo-horreur, ça part complètement en couille, mais c'est sympa, franchement c'est sympa, c'est pas révolutionnaire, c'est pas emblématique, mais c'est un très bon récit hors continuité pour les gens qui veulent un truc d'action, pas prise de tête, pas de sous-lecture ou de sous-degré, de second degré de lecture, ça y va et ça fait le taf, quoi. Moi j'ai bien aimé, j'ai apprécié que ce soit du coup hors continuité et que bah du coup on puisse se permettre de tuer des personnages ou de les mutiler ou de faire des trucs que tu pourrais pas faire dans un univers officiel DC. Et puis surtout ça prend le parti de faire une histoire de zombies. Alors on en a déjà vu plein, hein. On a évidemment en tête Walking Dead, mais on a Marvel Zombies qui est sorti chez Marvel évidemment, et puis Blackest Night qui était les zombies version Green Lantern chez DC, et du coup ça c'est vraiment une direction complètement différente et c'est un récit qui est pas vraiment une copie de ses aînés, et voilà, c'est un peu un vent de fraîcheur et c'est assez cool, quoi. C'est un truc cool parce que Trevor Hersheim a été invité d'Urban à Angoulême en début d'année. Et du coup, comme je ne suis pas allé à Geek Life, je suis allé à Angoulême et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Ouh, le traître ! Voilà. Et du coup, on avait discuté un petit peu de Deceased, forcément, puisque en tant qu'invité Urban, voilà. Et il disait que c'était son premier véritable travaux chez DC. Il avait fait quelques covers par-ci par-là et il avait fait des intérieurs, mais pas en entier, sur des vieux numéros de il y a un petit moment. Mais c'était son premier vraiment travail complet sur DC et il était content d'avoir eu l'occasion en premier travail de tuer des personnages importants dans l'univers, quoi. Il avait trouvé ça cool. Après, en off, parce que c'est pas dans l'interview officielle que vous pouvez retrouver sur la chaîne de lescomics.fr, mais en off de cette interview là, son seul regret par rapport à son travail à lui, pour le coup ça n'a rien à voir avec le scénario, c'était qu'il avait il s'était retrouvé en fait pris par le temps Et du coup, il avait dû finir son travail et il avait fini de façon un peu rapide et il était assez déçu des planches qu'il avait livrées sur la fin. Donc si vous sentez une baisse graphique dans les derniers numéros du tome, vous êtes assez raccord avec l'état d'esprit qu'en avait l'artiste. Alors que pourtant il se fait ancrer par l'encreur de Walking Dead dont j'ai plus le nom en tête. Donc le mec avait fait du très très bon boulot et il en était super content, mais il était plus fâché vis-à-vis du travail qu'il avait fourni lui parce qu'il s'était retrouvé pris par le temps, quoi. C'est pas son meilleur boulot pour moi. Je suis pas. Non. Mais pour lui non plus. Hein. Ouais. J'ai un problème avec la façon dont il a fait le visage de Wonder Woman aussi, par exemple. D'accord. Voilà, histoire de pinailler. Parce que c'est l'émission où on pinaille ce soir. Hein. Mais n'est-ce pas ? C'est Valentin qui a lancé cette mode. Chris, à quoi ressemble ta pile à lire à toi en ce moment ? Est-ce que tu profites de cette période troublée pour faire un peu tomber tout ça ? Eh ben écoute, en fait, moi j'ai pas trop de lecture en retard en ce moment, tu vois, c'est pas trop la galère. Non mais c'est vrai, par contre je n'ai que des gros livres, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de livres, mais ils sont tous assez massifs. Donc j'ai toujours l'intégrale d'Invincible, que tu m'as d'ailleurs fortement conseillé, Matt, depuis maintenant de nombreuses années. Vous allez voir, on s'influence. Ouais, voilà, les influenceurs 1.0. Et j'avais pris donc les trois compendiums chez Image Comics en VO, et donc c'est des gros bouquins. J'allais montrer l'épaisseur des bouquins, mais c'est de l'audio, donc personne ne le verra. Et donc ça fait trois très beaux bouquins. Les compendiums, c'est 1000 pages, quoi. C'est un truc comme ça. Ouais, on est dans ces eaux-là. En gros, t'as l'intégrale de la série en trois tomes. Alors je sais pas combien de pages fait la série à peu près, ouais. Mais ouais, ça doit être du 800 pages, peut-être au moins, je pense. Et donc ouais, ça fait trois bons gros bouquins que je n'ai toujours pas commencé. Sur moi. J'ai un petit peu aussi de Valiant avec la série Archer and Armstrong de Barry Windsor-Smith que je n'avais pas fini parce que j'étais pas vraiment rentré dedans, donc tu vois, j'ai ça éventuellement à finir. Et j'ai du Savage Dragon, toujours en VO chez Image aussi, puisque j'avais pris pareil les intégrales, les TPB, les grosses intégrales en noir et blanc là. Donc j'ai beaucoup de Image Comics à rattraper. Je ne le rattraperai sûrement pas dans l'immédiat parce que ça fait beaucoup. Ah si, j'ai aussi les Métabarons. Enfin j'ai lu il y a pas très longtemps, j'ai rattrapé la caste des Métabarons. Et donc j'ai la suite qui s'appelle juste Métabarons, je crois. Et ça c'est pareil, ouais, j'ai ça de côté, voilà. Mais c'est pas il y a pas beaucoup de bouquins sur la pile, mais du coup ça fait déjà une belle pile. Ouais, les bouquins Savage Dragon dont tu parles, c'est plutôt un bon plan, c'est la réédition des épisodes de Savage Dragon, c'est en anglais. Et c'est en noir et blanc, et donc ça permet d'avoir des bouquins, puisque noir et blanc ça coûte beaucoup moins cher que la couleur en termes d'impression. Si vous aimez les petites digressions techniques, on parlera du processus d'impression si ça vous intéresse. Mais bref, imprimer en noir et blanc ça coûte beaucoup moins cher, et donc les Savage Dragon c'est des bouquins qui doivent représenter un peu plus d'un an d'épisode, peut-être 2 ans, assez épais. Je pense qu'il y a une douzaine de numéros dedans, ouais, en gros. Et ça coûte entre 20 et 30 balles selon le site sur lequel vous l'achetez, quoi. Ouais. Et bah en fait c'est vraiment l'idée du TPB tel que c'est conçu. Normalement c'est une compilation d'épisodes qui doit te coûter moins cher que d'acheter les épisodes séparément, quitte à être des fois un peu plus cheap. Donc parce qu'en France on a peut-être la tendance à voir le TPB, en fait le TPB ça existe pas vraiment, c'est directement du format librairie qui se veut peut-être un peu plus luxueux parce qu'on a l'habitude de la belle BD. Mais là pour le coup c'est vraiment un format économique qui vous permet de lire tout Savage Dragon pour moins cher que si vous achetiez tous les numéros séparément. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour découvrir la série. Parce que là, il y a 9 tomes et ça coûte même pas 200 euros d'avoir du coup l'intégrale de la série qui a commencé en 1993. On va dire une vingtaine d'euros le tome à peu près, je pense qu'il fait une moyenne, quoi. Je sais pas si ça dépend où tu les achètes. Mais... Donc effectivement, ouais, c'est plutôt un bon plan. Moi j'avais lu que le début en VF chez Semic il y a fort longtemps. Je dois avoir les 4 numéros sortis chez Semic en VF, tu vois. Donc ça faisait partie des classiques de Image Comics que je devais rattraper, donc j'ai pris tout ça et pour l'instant je n'ai pas commencé, tout comme Invincible, donc voilà, j'ai deux gros classiques de Image Comics à rattraper. Valentin, à quoi ressemble ta pile à lire ? Oui, bonsoir. Ma pile à lire se contente. Ah si, alors j'ai du Marvel, beaucoup de Marvel, puisque j'achète la collection Marvel d'Hachette, justement. Tous les mois, j'ai donc deux bouquins de Marvel, sauf que je les lis pas. Donc là, ils s'entassent dans ma bibliothèque. Donc j'ai les deux tiers de la collection à lire, là. Il y a deux collections chez Hachette. Il y avait la collection rouge qui était consacrée à des personnages et la collection noire qui était consacrée à des histoires. Toi, c'est la collection ? Non, c'est une autre. Alors moi c'est celle qui fait une frise. Bah si, ouais, la noire. Oui, la noire. Ouais, la noire. Ça c'est la bibliothèque rose. Ça. Après il y a la verte, la rouge. T'as raison. Ça doit être ça, c'est la noire avec toutes les histoires, oui, de Marvel qui forment une frise au niveau de la tranche, une belle frise. Ah, le dos, le dos. Ah, du dos. Oui, la tranche. Oui, la tranche, c'est le devant. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Vas-y, vas-y. La tranche, c'est là où le papier a été tranché. Exactement. Donc c'est là où il y a que le papier. C'est là où vous avez le nom de la bande dessinée écrit en vertical. Et ben, c'est le dos. C'est de le la dos. BD. C'est vrai. Tout à fait. Autant pour moi, pardon. La semaine prochaine, on parlera de la page de garde. On va s'éclater. J'ai deux. Moi, il faut que je finisse Preacher. J'ai les deux derniers tomes de Preacher à lire aussi. Dès que je suis dans l'état d'esprit de le faire, je le fais. Voilà. Et si j'ai une anthologie depuis plus de 2-3 ans chez moi, l'anthologie de Justice League chez Urban aussi, que j'ai à peine commencé. Voilà. Et ça se limite à ça, mais ce qui fait déjà pas mal, notamment vis-à-vis de Marvel. Donc voilà. Ok, je suis le seul à avoir une très très très très grosse pile à lire alors en fait, c'est ça. Bah, surtout variée toi, elle est variée la tienne, c'est cool. J'ai fait des photos du coup pour m'en souvenir, là je vous fais l'inventaire des trucs. Alors il y a deux niveaux de pile à lire, il y a les trucs que j'ai achetés, alors il y a trois niveaux en fait. Il y a les trucs que j'ai achetés que je veux lire rapidement donc qui sont à côté de mon lit. Il y a les trucs qui sont dans une étagère dans la chambre un peu plus loin qui sont achetés et que du coup j'ai sous les yeux pour penser à les lire. Et il y a les trucs où je sais que je vais mettre une plombe donc je les ai déjà rangés sans les avoir lus, et je les ressortirai au fur et à mesure. Mais là, par exemple, dans les trucs un peu... Jamais, sûrement. Ouais, jamais. Pardon ? Ouais, jamais, du coup. Je ne ressortirai jamais. Que je revendrai en cas de pauvreté. Et là, du coup, j'ai des gros tomes de Will Eisner qui sont ressortis chez Delcourt. Il y a du coup la trilogie du Bronx, il y a la trilogie New York, et puis il y a un bouquin blanc sur la BD qui s'appelle « Les clés de la bande dessinée ». J'ai le gros bouquin de Archer Armstrong chez Bliss Comics dont parlait Chris. J'ai Umbrella Academy que j'ai pas fini. J'ai acheté Le Monde Mutant chez Delirium parce que c'est du Corben et que Delirium c'est de la balle et que Corben c'est de la balle, donc les deux ensemble ça marche bien. J'ai acheté un truc Ultimate qui s'appelle Omniversel. Du coup c'est dans l'univers Marvel parce que j'étais fan de l'univers Ultimate, mais en fait je me suis complètement fait avoir par le marketing. Ah, c'était toi. C'était toi. Cherchais justement qui c'était, mais... Et puis après, bah voilà, pareil dans les trucs dont j'étais fan quand j'étais petit, l'intégrale Warlock qui est sortie chez Panini et qu'il faut que je lise rapidement. Et puis après, bon, bah c'est de l'achat compulsif quoi. Il y a les fameux 9 Savage Dragon dont tu pensais, il y a 15 tomes de la série Conan, pareil qui sortait chez les marchands de journaux que j'ai pas commencé. Enfin, il y a une tonne de titres comme ça. Moi, ce que j'aime chez les monstres, un truc qui s'appelle Odic qui est sorti chez Glénat, un truc qui s'appelle Sans issue qui est écrit par Joe Hill, le scénariste de Lock and Key. C'est de l'achat compulsif en fait. C'est, je ne sais pas quel, on va faut me psychanalyser. Je sais pas quel manque je cherche à combler en fait avec ces achats-là. Au début, je pensais que j'étais atteint du syndrome Panini, tu sais, où tu veux avoir un bouquin, puis tu mets un peu de temps à l'acheter, et puis en fait, il est rapidement épuisé, puis il n'est pas retiré, donc tu l'as plus. Et c'est pas pour dire du mal, ça nous est tous arrivé en tant que lecteur un peu ancien de comics. Au début, j'étais persuadé que c'était le syndrome Panini, donc j'achetais tous mes bouquins Day One pour pas, donc pardon, le jour de la sortie, pour penser à les acheter en fait et à les avoir. Donc voilà, je ne sais pas. Mais je vois des concours de piles à lire passer sur Twitter. Visiblement, c'est un vrai truc de fan et de collectionneur d'avoir tout le temps trop de choses à regarder, quoi. Je sais pas si vous êtes sur d'autres choses, d'autres. Vous avez des piles à voir de Blu-ray, des jeux, des piles de jeux à faire, des trucs comme ça. J'ai des piles à voir de plein de DVD et de Blu-ray aussi, qui est beaucoup plus conséquente par contre que ma pile à lire de comics, ouais, et que j'essaye de réduire grâce à ce confinement. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de trucs depuis le début du confinement, mais je regarde pas assez vite. C'est pareil, il faut du temps aussi. T'as un film de confinement là, t'as un truc Alors un film de confinement, ça c'est un film qu'on m'a prêté, c'est un vieux film, 1967 si je dis pas de bêtises, et c'est, 1973 pardon, c'est La Bonne Année avec de Claude Lelouch avec Lino Ventura. Et c'est trop trop bien, ça m'a vraiment, j'ai été happé par le truc, c'est super bien. C'est l'histoire d'un escroc, enfin d'un braqueur de banque même, hein, qui veut faire un casse avec son collègue, son comparse, et qui va tomber amoureux de la prêteuse sur gage qui est à côté de la banque. Voilà. Et l'histoire tourne autour de ça. Mais c'est plus une histoire de braquage qu'une histoire d'amour. Et en même temps, c'est une histoire d'amour. Et c'est vachement bien tourné. Est-ce qu'il est question à un moment ou à un autre dans ce film de la Saint-Sylvestre ? Parce que je voudrais savoir si c'est mensonger ou pas. Alors le titre n'est absolument pas mensonger. Tu as deux réveillons. Alors pas de spoil. De bonne année. Donc voilà. Non mais en fait c'est le premier qui me vient à l'esprit parce que ouais de tous ceux que j'ai vus ou revus, celui-là m'a vraiment marqué. C'est vraiment un chouette film. C'est très joli. Il y a pas mal de choses vis-à-vis même du jeu d'acteur et de la direction d'acteur où tu sens très bien qu'il y a des scènes qui sont improvisé au niveau des dialogues, qu'on a juste donné une direction d'acteur et que le reste est complètement improvisé. Et l'alchimie entre Lino Ventura et j'ai oublié le nom de cette actrice que je vous retrouve tout de suite, bien donc sûr. Donc en plus de rager contre les comédiens de doublage d'origine africaine, nord-africaine, il oublie le nom des comédiennes, quoi. C'est ouais. En plus d'être raciste, il est misogyne. C'est vrai que ça fait beaucoup pour un seul homme quand même. Hein. Pardon, je suis surtout désolé. Que Valentin, son credo, c'est de ne pas choquer, vexer, braquer les gens, quoi. Françoise là, Fabian, voilà. C'est pas bien ce que tu viens de faire, Val. Ouais, je suis désolé. Lino Ventura et Françoise Fabian, leur alchimie est trop bien, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Putain. J'ai revu Dredd aussi, c'était mortel. Dredd, ouais. Dredd, je l'ai revu, j'en ai profité, là, c'est trop, je l'adore. Très, très bon, Dredd. Ce film, il est trop, trop bien. C'est un tout autre style. Hein. Ouais, c'est pas la même ambiance, ouais, j'allais dire. T'as changé le de style. Le pire, c'est que j'ai vraiment enchaîné les deux la même soirée. J'ai fait wow. Faudrait que je me fasse des soirées à thème quand même, parce que là, c'est chaud. Dredd, du coup, c'est l'adaptation du comic Just Dredd avec Karl Urban. Exactement. Truc sorti en 2015, 2014. Non, 13, 12, 11. Il y a, entre ouais, 2010 et 2013. Je vais te dire ça tout allez, va me checker ça. Et du coup, non, tu peux répondre à cette question. Et j'ai entendu dire que c'était, il y a un autre film 2012. Qui est construit de la même façon. Oui. Un film asiatique où pareil, ils attaquent une tour de la même façon. C'est, tu as vu ce truc là? C'est Red, The Red, ouais. Le premier Red, ouais, absolument. Alors c'est, le film est. Parce que Red, c'est ça, il doit. Malaisien, je crois, un truc comme ça. C'est pas coréen, c'est pas japonais. Et oui, absolument, ça se passe dans une tour. Ouais, ça fait carrément penser à Dredd. C'est une tour avec que des malfrats dedans. Et le mec fait partie du GIGN de ce pays-là, en gros, quoi. Et ils doivent intervenir là-dedans. Ils se font enfermer, ils sont piégés dans cette tour-là. Et c'est le bordel. Et t'as, bah, comme souvent dans les films de cette région du globe asiatique, il y a des bonnes scènes d'action et assez spectaculaires et tu sens bien qu'au niveau de la législation, ils permettent beaucoup plus de trucs que dans d'autres pays où si les mecs se font vraiment mal derrière, c'est pas trop trop grave. Et c'est assez, ouais, c'est assez impressionnant. J'ai préféré le deuxième Red qui a rien à voir. J'ai pas bien compris, tu veux dire on voit que les acteurs se font mal sur le tournage? Ouais, qu'il y a des scènes en fait qui sont très très millimétrées, mais tu te dis que ouais, franchement, si le couteau il l'a un peu éraflé et que le mec il est en train de saigner du bras, ce serait pas très très étonnant, quoi. Donc bon. Après, dans le même genre, si tu aimes les films un peu en huis clos comme ça, bon, t'as forcément The Thing de Carpenter, mais toujours de Carpenter, t'as New York 1997, oui. Qui est vraiment excellent aussi. Oui. C'est un peu dans le même délire. Enfin, moi, ça me renvoie un peu vers ce genre de film, quoi, avec un héros qui doit s'introduire dans un endroit qui est peuplé de malfrats et où tout le monde lui en veut. Enfin. Tout à fait ce genre d'état d'esprit, quoi. Le film est indonésien, The Red, voilà. Ça vient d'Indonésie. Et je vous conseille aussi... le maître Capello de ce podcast. Je vous conseille aussi et surtout le deuxième film, où t'es pas forcément... C'est la suite, mais si tu le vois tout seul, c'est pas trop trop grave. C'est Le Jour et la Nuit en termes de réalisation, alors que c'est le même réalisateur, mais c'est assez dingue. C'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus axé sur l'aspect mafieux, de relations entre les gens, de qui essaye d'entuber qui et tout. Et c'est... Le 2 est vraiment bien, sans oublier les films d'action aussi assez impressionnantes. Qu'il y a dans ce film-là, donc ouais, c'est vraiment deux films sympas des années 2010. The Red. Eh ben c'est bien, belle suggestion de contenu en fait, de trucs à voir. Bah ouais, surtout que là on a tous le temps, hein, donc allons-y. Bah on a tous le temps, non? Enfin, ouais. Il y en a qui bossent, tu vois. Oui, pardon. Il y en a qui bossent, qui ont des familles. Oh, il y a parmi nous deux personnes qui télétravaillent de façon plus ou moins active et deux personnes qui procrastinent de façon extrêmement active, elles aussi. Que les travaux de la maison ont été remis à plus tard, hein, les peintures des chambres, tout ça, on le fera. Écoute, voilà, c'était un peu compliqué de braver le confinement pour acheter un pot de peinture dans un magasin fermé. Ça faisait quand même deux défis, qui étaient à peu près du niveau de Dredd, d'ailleurs. C'est à peu près le même genre de niveau de défi. Tu imagines la version française de Dredd, ça va aller chez Bricorama pour acheter de la peinture. Acheter de la peinture, c'est à peu près ça, ma vie, ouais. Non, moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon confinement, là? Bah, écoute, j'ai une pile de jeux que je n'ai pas rattrapé parce que je dois faire les trois Witcher, je n'ai commencé que le premier, donc j'ai encore pas mal de boulot. Et puis, au niveau des films, j'ai regardé le remake de Suspiria. Suspiria qui est un film de Dario Argento. Et j'adore Dario Argento pour pratiquement toute sa filmographie, sauf peut-être les derniers trucs qu'il a fait qui sont quand même un peu cheapos, parce qu'à la fin, je pense qu'il avait pas trop de sous. Mais sur tous ses premiers films, que ce soit les Gialli, j'ai pas fait italien à l'école, excusez-moi, c'est un giallo, des gialli, ça doit être ça. Et puis, c'est quoi du coup comme type de film? En fait, alors pourquoi ça s'appelle giallo? C'est parce que tout simplement les couvertures de polar, d'ailleurs comme chez nous, en Italie, sont jaunes. Et donc ce sont des films policiers, souvent des histoires policières à chute, les giallo. J'en ai parlé il y a pas très longtemps d'ailleurs avec mon frère, et un que j'adore tout particulièrement, d'ailleurs je crois que c'est un des premiers qu'il a fait. Je t'en parlais avec mon voisin l'autre jour justement. Écoutez, vous allez être content de l'apprendre. Non mais il ne l'avait pas vu, et pourtant mon frère qui est très cinéphile, tu vois, ça m'a étonné. C'est Quatre mouches de velours gris, voilà. Donc forcément c'est un film qui date des années 70, donc c'est un peu vieilli en termes de réalisation, en termes techniques, tout ça. Mais c'est un vrai bon polar avec une vraie chute qui est vraiment inattendue. Et moi, la première fois que je l'ai vu, la chute m'a donné un petit frisson. Et j'ai dit, waouh, c'est d'une intelligence. Et donc, tous les giallo comme ça sont assez intéressants. C'est vraiment des films à chute. C'est des films policiers à chute, si tu veux. Et après ça, Argento, il a fait plusieurs films d'horreur. Pour ceux qui sont pas forcément familiers du cinéma d'Argento, mais qui connaissent un peu, qui sont un peu amateurs de musique. Par exemple, Ghost. Dans certains de ses clips, c'est largement inspiré du visuel de ses films italiens d'horreur et un petit peu d'épouvante et d'horreur des années 70-80. Bref, je vais pas rentrer trop dans le détail non plus, mais Suspiria, donc, que j'aimais beaucoup parce que chez Argento, il y a un gros travail de photographie, de colorimétrie, enfin, c'est très tape à l'œil, c'est pas du tout naturel, quoi. Et il y a vraiment, enfin voilà, c'est, il y a une vraie puissance graphique qui va au-delà de l'histoire parce que c'est parfois des rythmes assez lents, etc. Mais visuellement, t'en prends vraiment plein la tronche et il y a un gros travail à ce niveau-là et une ambiance qui est créée qui est vraiment, qui a quasiment pas d'équivalent au cinéma, sans mentir. Il y a vraiment un truc très très fort chez Argento. Et donc, je voulais voir le remake pour me faire une idée. Et, bah, c'est plutôt un bon remake. Mais du coup, ça n'en fait pas vraiment un bon film, puisque bah, en fait, c'est un remake d'Argento, mais avec les moyens techniques d'aujourd'hui, avec une image bien plus lissée et bien plus soft en termes de photographie. Enfin, c'est fait pour plus passer partout, c'est un peu calibré comme les films d'horreur actuels. Et du coup, bah, je me suis un peu ennuyé, parce que comme le rythme du film est assez lent et que c'est pas un film d'action, bah, ça passe parce que chez Argento, il y a tout l'aspect graphique et tout l'aspect vraiment visuel qui te maintient dans une sorte de catharsis. Je sais pas trop comment expliquer ça autrement, mais... et ben là du coup dans le remake qui est d'un gars dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Attends, j'arrive. Merci Valentin. Et ben du coup ça n'a pas du tout fonctionné. Je me suis un peu ennuyé. Et Luca du coup, je... Luca Guadagnino, moi non plus j'ai ouais, pas fait. Ouais, on a bien fait, on a bien fait de l'oublier. le pauvre. Non, il a peut-être fait des trucs très bien à côté. En fait, le film n'est pas mauvais. Mais c'est un remake sans saveur, parce qu'en fait c'est difficile de faire un remake. Soit tu fais un remake vraiment copier-coller et à ce moment-là il a aucun intérêt, soit tu fais un remake en y apportant ta patte, et du coup c'est pas vraiment un remake, parce que je pense que dans les films d'Argento il y a vraiment l'aspect visuel prime presque sur tout le reste. Et en fait tu peux pas faire un remake de ces films-là, quoi, tu vois. Je pense que tu ne peux pas faire un remake de ces films parce que soit ça n'a pas d'intérêt parce que tu tombes dans un truc lambda, soit tu fais de la copie conforme pour avoir le même rendu, le même aspect vraiment tape à l'œil. Et du coup, quel est l'intérêt aussi, puisque tu fais un truc qui existe déjà, donc il n'y a pas d'intérêt à faire un remake. Bref, donc j'ai été plutôt déçu par ce remake, mais par contre, je vous recommande de vous faire la filmographie de Dario Argento. Vous ne serez pas déçu si vous êtes amateur de beau cinéma. Voilà. Ok, c'est culpabilisant de ouf. Alors, si vous n'êtes pas amateur, enfin, si vous n'avez pas apprécié, c'est que... Je me sens vraiment comme une merde. Ok, donc bah, voilà. Si vous voulez être un humain de qualité, il va falloir aimer ces films-là. Pauvre mortel. C'est quoi la différence entre un bon cinéphile et un mauvais cinéphile? Et bah voilà, Chris a la réponse. Et voilà, il suffisait de demander. Vous voulez qu'on fasse un débat les nuls contre les inconnus, quoi. Et on n'a pas encore digressé, parce que j'ai beaucoup dit disgressé dans l'épisode précédent, donc désolé à ceux dont j'ai écorché les oreilles. On n'a pas encore digressé, on n'a pas fait de passage hyper technique, on n'a pas raconté de trucs horribles et d'anecdotes à base de matière issue de nos propres organismes. On n'a pas fait de jeu débile. Voilà. Je ne sais pas si on pourra tenir le rythme de cette émission qui est beaucoup, beaucoup trop sérieuse, évidemment. Oui. Non mais rien, c'est tout. Tu veux un sous la couette? Tu veux qu'on joue à un jeu avec des proverbes, Valentin? Ah oui, ça a l'air bien. Non, si tu veux vraiment jouer à un jeu, je préférerais jouer à mort-vivant. Ça me ferait plus marrer. Mort ou pas mort? Bah, ça se prépare à mort ou pas mort. Mort ou pas mort, oui, c'est vrai. Valéry Giscard d'Estaing, Valentin? Il est vivant. Le respect sur Twitter? Ah, il est mort, mais il est mort-né, lui. Je sais pas, est-ce que vous voulez jouer avec Valentin? Est-ce que vous voulez lui suggérer des personnalités gênantes, mort ou pas mort? Si je suis le seul à jouer, c'est chiant. Bah non, mais ça se prépare. Toi-même, bah, en ta qualité d'animateur de quiz, tu sais qu'un quiz de qualité demande un minimum de préparation. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à louer les services de Valentin pour animer vos quiz dans vos festivals, puisqu'on a testé, nous, à Geek Life au Mans, et c'était vraiment bien. 2 années de suite, ouais, et de bons retours à chaque fois, donc ça fait plaisir. De franches réussites à base de rigolade. Mmh. Et il faut que tu les réutilises, tu les as préparées pour rien, il faut que tu les prennes et que tu les réutilises, que tu fasses tourner ces trucs-là un peu comme un spectacle itinérant. C'est ça, absolument, absolument. T'es un saltimbanque. Moi, tant que j'ai pas à débourser de pognon, il y a pas de souci. Hein. Voilà, en gagner, c'est une autre histoire. Mais tant que au moins je n'ai pas à débourser de pognon, vous pouvez m'inviter où vous voulez, je viendrai animer avec plaisir. C'est beau. C'est qui plaisir? Ah, c'est bon. Bah, il faut être deux pour tu vois, balancer les vidéos, tout ça. Donc Jean-Michel Plaisir, il vient avec moi. Jean-Michel Plaisir. Ouais. Non, parce que la dernière fois, je suis allé au cinéma, figure-toi, oui, et je l'ai pas vu. C'est vrai. Je suis arrivé pour voir un film, et il y avait un mec qui était assis à ma place, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Du coup, j'étais obligé d'appeler les gens du cinéma, ils sont venus avec leur lampe torche, ils ont éclairé tout le monde, ils ont dit, excusez-moi, poussez-vous monsieur, j'ai dit, mais attendez, j'étais là, j'ai payé ma place, c'est que c'est quand même normal. Ouais. Et à côté de moi, il y avait qui? Il y avait Carlos Ghosn, figure-toi, un truc de ouf. Mais non. Et en plus, mais non, mais c'est un délire, n'importe quoi. Au final, j'ai pas pu voir le film, en plus, alors que j'étais venu voir Sonic, il y avait un sac d'anneaux, j'ai rien compris. Putain. C'est marrant, ça rappelle une anecdote qui m'est arrivée, mais bon, c'est pas grave. Non, mais ça m'intéresse, t'es allé au cinéma toi aussi? Tu veux vraiment que je fasse ça? Tu t'es auto-lancé? J'ai pas d'idée. C'est une histoire qui te vénère un peu ou pas, Chris, quand même? Je pense que ça devait être énervant quand même. Attends, je vais trouver une connerie. C'est que. Faudra que tu coupes, faut que je trouve une connerie. Je comptais pas prêt du tout. Je comptais pas te lancer sur le lampe torche vert si tu t'es auto-lancé, c'est scandaleux quoi. Mais on sait bien qu'il n'y a pas besoin de préparation, tu vas au feeling comme ça et tout. Non, des fois je réfléchis un peu quand même avant, je me dis attends, faut que je trouve une chute. En fait, je veux dire, c'est la chute, tu vois. Pars sur Malik Bentala, Malik Bentala. Quelqu'un m'entend? C'est moi, Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, je me suis caché dans ce podcast. Hey, vous dites pas que je suis là, mais est-ce que quelqu'un peut me filer à bouffer? Des frites, quelque chose? Je suis sous le canapé, c'est moi, Xavier Dupont de Ligonnès. Bonsoir, c'est Patrick Balkany. Alors je vais demander à Grainerie de vous apporter quelque chose à manger. Mais en tout cas, moi pour l'instant je suis confiné chez moi, à peine sorti me revoilà confiné, donc c'est un peu embêtant, je ne pourrais pas démarcher tout de suite mon petit Grainerie. Voilà, bonne soirée. Je lisais sur internet cette phrase excellente qui disait qu'on aurait été retenu privé de liberté plus longtemps que Patrick Balkany. Oui. C'est quand même formidable. Oui. C'est vrai en plus. Ah, je ne sais pas si on peut demander à Yanda ce qu'il a fait dans les embouteillages aujourd'hui, mais un peu tiré par les cheveux. Non, mais en fait, le vrai problème, c'est que je fais partie de ces gens qui, n'étant plus dans les embouteillages, bénéficient de ce gain de temps, non pas en sommeil, mais pour travailler encore plus, en fait. Donc, du coup, je me fais avoir parce que je travaille encore plus, et du coup, j'ai pas le temps dans les embouteillages. Donc, c'est vrai que j'ai plus le temps pour écouter mes podcasts du matin, mais j'ai plus le temps aussi pour faire mes vidéos réactions sur le trafic de l'agglomération, et c'est proprement scandaleux. J'ai envie de dire, arrivé un moment, c'est bon quoi, je veux dire, il y a les bouchons, on est censé circuler normalement, et on se retrouve toujours emmerdé par les mêmes connos qui viennent nous casser les burnes. Donc arrivé un moment, restez chez vous quoi. Le confinement, il y a finement dedans, mais il y a aussi con, donc arrêtez de prendre les gens pour des cons, merci. C'est quoi tes podcasts du matin? Podcast du matin, j'aime beaucoup écouter le podcast de la chaîne de Nowtech, qui est un podcast tech, comme son nom l'indique. Et j'aime bien la chaîne de Nowtech en règle générale sur leur contenu vidéo. Et j'ai découvert il y a pas très très longtemps finalement que ils font une émission en fait en live tous les matins. à 8h, entre 8h et 9h, et c'est découpé en trois parties. Ils font un petit tour d'actu sur les news tech, après il y a une question un petit peu débat, et puis ils finissent par une partie FAQ, et ça correspond en fait entre 8 et 9. FAQ, c'est foire aux questions pour ceux qui n'ont pas la couleur. Tout à fait. Et ça correspond au moment où je suis sur la route, donc du coup je mets ça plutôt que d'écouter la radio, puisque je n'ai pas de radio dans ma voiture, et voilà. Et c'est principalement ça, ou alors le podcast de Kian Kojandi. Excusez-moi, monsieur Yanda, vous êtes en train de dire que vous écoutez du contenu audio dans votre véhicule alors que vous n'avez pas de radio. Comment pouvez-vous écouter tout ça? Vous n'êtes quand même pas équipé d'écouteurs pendant que vous conduisez? Absolument pas, cher monsieur. Je dispose d'un smartphone de génération relativement récente et il dispose d'une fonctionnalité haut-parleur, ma foi, assez développée, avec un volume maximal me permettant d'apprécier l'écoute de contenu audio via les ondes hertziennes, n'est-ce pas? Et c'est formidable. D'un téléphone intelligent. Ouais. Comme il le dit si bien dans Distorsion, qui est un excellent podcast que j'écoute, moi, notamment quand je passe la tondeuse, vous serez content de la prendre. Oui, voilà. Quand je tonds, j'aime bien écouter des podcasts quand je tonds, et parce que c'est le printemps, l'herbe pousse, malgré le confinement, voilà, la nature reprend ses droits, hein. Et donc j'écoute pas mal Distorsion. Enfin, maintenant j'écoute au fur et à mesure parce que j'ai rattrapé mon retard. Et donc c'est un podcast québécois où ils reviennent sur des faits divers, on va dire, souvent liés un peu à l'internet ou aux nouvelles technologies entre autres. Genre des gens qui disparaissent après être partis avec leur abonné d'Instagram ou des trucs du genre, tu vois. Et franchement, c'est très très très intéressant. Les deux mecs racontent très très très bien. Et il y a plein d'histoires très cheloues. Ils ont d'ailleurs notamment parlé de notre copain Xavier Dupont-Ligonnès. Tu l'as entendu? Tu l'as vu passer? Il était là? Ouais, il me semble. J'ai cru, mais bon, tu sais, moi, je le laisse creuser son trou. Moi, je le laisse s'installer. Oui, il y avait une petite. D'après la police écossaise, c'était l'oreille. Hein. interrompu, donc il raconte très bien les histoires. Ouais, il raconte très bien les histoires, et franchement, ouais, tu te laisses. Il y a pas mal d'histoires que je ne connaissais pas, parce que certes, il y a effectivement là, Xavier Dupont-Ligonnès, tout ça c'est connu, mais pas mal de faits, on va appeler ça des faits divers liés à Internet, quoi. Le dernier en date là que j'ai écouté tout à l'heure, c'est une nana qui était un peu, enfin voilà, qui se voulait un peu influenceuse sur Twitch, sur Instagram, tout ça, et qui a quand même fini par se faire assassiner par l'un de ses abonnés, donc comme quoi, attention. Et donc ouais, c'est souvent des histoires assez dingues. Il y en a une des dernières, c'est sur Ketchup, alors moi que je connaissais pas, et en fait c'est ce qu'ils appellent du social eating. En fait, c'est des gens qui se filment en train de manger, et un peu comme l'ASMR, apparemment ceux qui regardent ça kiffent les bruits de bouche. Alors moi je suis pas du tout client. Ouais voilà, je suis pas du tout client de ce genre de choses. Mais une grosse fanbase pour ce système-là, quoi, pour ce genre de contenu. Et sauf qu'il y a une théorie selon laquelle la meuf serait retenue contre son gré, serait forcée de tourner des vidéos, ça. Donc les types ont décortiqué les vidéos image par image pour voir s'il y avait pas quelqu'un qui l'a forcé. Enfin, il y avait eu un podcast, un épisode qui était sur un sujet un peu similaire. Il y a beaucoup de gens apparemment qui ont des théories un peu dingues autour d'influenceurs comme ça qui seraient retenus prisonniers et forcés de produire du contenu. C'est assez ouf, mais help, le mec envoie des help, tu sais, genre à la caméra pendant qu'il tourne sa vidéo. Et il y avait exactement ça, quoi. Et donc les mecs ont des théories assez, enfin les mecs qui présentent ça n'ont pas de théorie, eux, ils se contentent d'énumérer les faits et de dire un peu ce qui se raconte là-dessus, mais tu te rends compte aussi qu'il y a tout un système qui se construit autour de ces faits divers internet et qui ne font que s'amplifier. Enfin voilà, c'est vraiment très très intéressant. Il y a des histoires qui sont plus ou moins intéressantes, hein, évidemment, mais franchement je kiffe ces épisodes-là parce que les mecs sont très très doués pour raconter des histoires, et il y a beaucoup de recherches parce que faut quand même se rendre compte que pour certains épisodes ils vont écumer 4chan, Reddit, enfin tous les sites un peu, les forums un peu anonymes comme ça, où tout le monde va disperser un peu des infos pour condenser tout ça. Il y a un gros gros taf de recherche et c'est très sympa. Voilà. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, du coup ça me fait penser à un truc. Si vous avez pas vu cette vidéo, c'est vachement bien. C'est sur une chaîne qui s'appelle La chaîne de Paul, P-A-U-L en majuscule, voilà. Et donc le titre de la vidéo, c'est Le premier youtubeur est un meurtrier, Ricardo Lopez. Voilà, vous tapez ça et vous regardez, et c'est vraiment intéressant, c'est impressionnant même. Par contre, il y a un disclaimer au début. En fait, t'es obligé de cliquer sur la page YouTube. On te dit que la communauté YouTube a jugé le contenu suivant inapproprié ou choquant pour certains publics. Et il faut cliquer pour dire qu'on est OK. Parce que effectivement, c'est un peu glauque et pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, c'est assez. J'ai pas les mots en fait, mais c'est très très particulier. Mais globalement, la chaîne de Paul, c'est hyper quali quoi. C'est, ouais, carrément. Très très bien. Carrément. Mais voilà, ça m'a fait penser un peu à ça, ce que tu disais, Chris. Donc, ouais, le premier YouTuber est un meurtrier. C'est glaçant. Voilà, ça tombe très bien. Écoute, demain, dans le cadre de l'école à la maison, j'avais prévu de mettre un replay de Lumni. On va passer sur ça. Et, ouais, et ça passera très bien. Je leur demanderai après de faire une fiche de lecture sur ça. Mais enfin, ça ira et puis, t'es sûr de plus les entendre après de l'année? Je pense que voilà. Par contre, faudra leur mettre des gouttes dans les yeux parce qu'ils n'arriveront plus à les fermer, quoi. Maintenant, tu laisses papa, il va faire sa vidéo pour YouTube, tu sais. Quelle horreur. Non, mais ils sont gentils, tes enfants. Ils sont adorables. C'est les plus beaux enfants du monde, j'imagine, c'est ça. Évidemment, puisqu'ils tiennent principalement de leur mère et un petit peu de leur père, donc voilà, c'est un cocktail détonnant. Mais ça va, tu tiens le coup, toi, à la maison avec deux enfants? Mais moi je tiens le coup parce que j'ai la chance de ne pas être tout seul, exactement, ouais. Qui s'en occupe merveilleusement bien et qui assure comme une bête pour faire l'école. Moi je suis en télétravail, donc en fait je suis dans la pièce toute la journée, ouais. Je bosse, ouais, c'est ça. j'ai le raccourci clavier, tu sais, pour basculer entre Twitch et l'écran de code, et mais du coup non, elle s'en occupe très très bien, donc moi c'est cool. Je fais pas grand chose, si je viens en renfort sur certains trucs où elle coince au niveau des maths, notamment pour le plus grand, mais sinon après la journée de travail en tant que telle, moi je m'en occupe pas vraiment, c'est surtout leur mère qui fait toute la partie école à la maison et tout, et qui gère ça très bien, donc c'est cool. Et du coup tu codes des trucs? Ouais. Dans la vraie vie tu codes des trucs? Dans la vraie vie je code plein de trucs, plein de trucs. C'est pour ça que t'étais un peu en retard, t'étais en train de réécrire internet là. Ouais, c'est ça, exactement. J'étais en train de préparer le prochain reboot parce que voilà, c'était un peu compliqué. On est boucle, on était coincé, il fallait régénérer la matrice. Bon, c'était compliqué quoi. Et c'est bien les algorithmes là, les trucs qui choisissent ce qu'on va regarder sur les plateformes, sur tout ça, c'est bien, ça marche bien, c'est cool. Ça marche bien. Bah écoute, il faut croire que oui. Bon, c'est en perpétuelle évolution, mais oui, non, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est hyper adaptatif en fait du comportement des utilisateurs. Et je fais partie de ceux qui pensent que de toute façon, un algorithme ne répond, ça reste un programme, hein, quel qu'il soit. Tu peux mettre un mot compliqué dessus comme algorithme, ça reste un programme qui a été pensé au départ et qui va réagir au mieux, réagir en fonction d'un comportement utilisateur à la base. Donc de toute façon, le point de départ de la chose, c'est l'utilisateur. Et en fonction de ce que va faire l'utilisateur, bah, le programme est prévu pour réagir de telle ou telle façon. Du coup, tu nous as manqué pendant l'épisode précédent et je vais te solliciter et même te triple solliciter. Je veux utiliser tes trois casquettes. Ta casquette de codeur, celle de producteur de contenu et celle d'utilisateur finalement des trucs. On n'était pas d'accord forcément sur le bien fondé de tout ça et notamment le fait que les gens que tu vois sur Facebook, globalement, ils sont tous d'accord avec toi et qu'on crée des mini bulles en fait, que Netflix te propose que des contenus auquel potentiellement tu vas t'intéresser, que YouTube pareil va plutôt mettre en avant des contenus qui l'intéressent plutôt que des contenus qui toi pourraient être grosso modo qui vont t'intéresser. Et du coup on sort plus de cette espèce de zone de confort. Et moi je suis convaincu que c'est important d'être confronté à des trucs qui de base sont pas forcément dans tes affinités, d'abord parce que ça va forcément t'ouvrir en fait. Tu vas soit découvrir des trucs que t'aimais pas et tu forges ton opinion, tu sais pourquoi tu les aimes pas, mais tu peux aussi avoir la chance de découvrir un truc que tu peux être un sale rocker et être confronté à globalement être persuadé que t'aimes pas le rap et être confronté à 2-3 morceaux de rap que finalement t'aimes bien, et il faut sortir de sa zone de confort et voilà. On n'était pas d'accord avec les gars là-dessus, quel est ton avis à toi là-dessus? Après on est à peu près de la même génération, même pas à peu près, on est de la même génération, donc je suis effectivement d'accord avec toi sur le fait que de se challenger un peu quelque part et d'aller essayer de découvrir de nouvelles choses ou d'aller vers des milieux ou des thématiques qui ne nous parlent pas au premier abord, tu peux effectivement avoir de belles surprises, sauf que il ne faut pas oublier un facteur hyper important prépondérant à tout, c'est que l'être humain est feignant. Et en plus de ça, un animal d'habitude. Donc, à partir du moment où, et c'est pour ça que beaucoup d'algorithmes, notamment celui de Netflix en l'occurrence, sont hyper bien, hyper performants sur ça. À partir du moment où t'es dans un thème, on a repéré quelque chose qui te plaît, c'est beaucoup plus facile de susciter de l'engagement et donc de l'interaction et donc du temps d'audience en proposant des choses sur le même thème, parce que tu sais que ça lui a plu, et donc il y a plus de chances qu'il reste sur quelque chose qui lui a plu que si tu prends le risque d'aller lui faire découvrir autre chose. L'être humain déteste et a une peur bleue du changement, et en plus de ça, il est feignant. Donc aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui ne vont pas chercher du nouveau contenu, elles vont attendre que le contenu leur vienne dans les mains. Qu'elles aillent pas chercher du nouveau contenu, je suis d'accord, mais le fait que ce soit que du contenu qui soit calculé pour leur plaire, qui leur tombe dessus, c'est là où je trouve ça gênant. C'est-à-dire que non seulement les gens vont pas chercher du contenu, mais ce qu'on va te proposer, c'est nécessairrement des trucs que tu vas qui correspondent à ce que tu as déjà regardé et avant. Et ouais, c'est pour ça que YouTube nous repropose. Enfin, tu vois, moi j'ai beaucoup regardé cet été, genre les joueurs du grenier ou des trucs comme ça. Je m'en suis retapé plein. Et du coup, on me les repropose en boucle. Mais je les ai vus, en fait, j'ai pas envie de les regarder encore 15 000 fois. Propose-moi d'autres choses. Ben oui, mais non, parce que toi, tu fais partie de ces gens qui vont être effectivement, qui sont à l'écoute et alerte de des nouvelles choses, d'autres choses, et qui ont envie d'autres choses, et qui ont envie de diversifier un peu le panel. Mais, encore une fois, la majorité des gens sont passifs, et c'est là tout le problème. Enfin, pour moi, c'est là le plus gros levier d'action et le plus gros changement à apporter dans les comportements utilisateurs, c'est de reprendre ce rôle d'actif en tant qu'utilisateur et plus passif, et subir le contenu qu'on te propose et qu'on te donne. Parce que forcément, un algorithme, c'est encore une fois, c'est bête et méchant, ça ne fait que ce pour quoi il a été programmé. Et lui, son programme, c'est de fournir du contenu. Et sur quoi il va se baser? Il va se baser sur ce que t'as regardé. Le fait que tu l'aies regardé en te disant « Ah, c'est vraiment trop de la merde, regarde ça !» Lui, il s'en fout, il a pas cette notion de jugement, de goût. Il a juste la notion de t'as passé X temps à regarder des contenus qui correspondent à X mots-clés ou à X thématiques. Du coup, pourquoi j'irais te proposer autre chose? Je vais te proposer la même chose, parce que tu vas statistiquement le regarder. Il y a un truc qui est hyper intéressant, j'ai pas le lien, mais je vous invite à aller lire un article qui a été écrit il n'y a pas très très longtemps par le président de l'association Framasoft, qui est donc un collectif qui prône les logiciels open source, et qui... Donc open source, c'est des logiciels qui sont codés par les gens, on sait ce qu'il y a dedans, oui, et ils sont gratuits. Oui, alors il y a une différence entre les logiciels libres et les logiciels open source. Un logiciel open source, c'est effectivement un logiciel dont le code est public. N'importe qui a accès au code et peut donc aussi apporter sa pierre à l'édifice, en venir corriger des bugs, ajouter de nouvelles fonctionnalités, etc. etc. Et virer les pisteurs, les petits espions qui sont cachés à l'intérieur. Aussi, alors en règle générale, des logiciels open source, ou en tout cas des logiciels libres, n'en ont pas, ou alors ils sont explicitement connus et affichés. Mais l'article de cette personne s'appelle « Prendre de la hauteur », et il fait un petit peu un état des lieux lié à la situation du confinement et à l'explosion des outils numériques et à tous les... D'un côté, les dangers que ça représente vis-à-vis de l'omniprésence des cinq grosses industries qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple, et aussi il parle après du libre, et il y a un truc qui est hyper intéressant dedans, c'est que justement ces trackers d'activité sur internet, en fait le gros côté pervers du truc, c'est que les trackers internet, donc qui sont les robots, ou en tout cas les micro-gicels chargés de justement suivre les sites que tu visites, les achats que tu vas faire sur internet, etc. Enfin, en gros, ton activité internet va servir d'une part à te profiler en tant que utilisateur, parce que encore une fois, le fait que dans les données, en fait, il y a un truc qui est important, c'est que à avoir en tête en tout cas, c'est que c'est pas dans les données personnelles. Ce qu'on entend par là est le danger, et ce qu'il faut, je pense, protéger au niveau des données personnelles, c'est pas tant ton nom, ton prénom, parce que ça, dans l'absolu, les grandes structures et les structures marketing notamment, elles sont contrebalancent que tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques ou Tartuffe. Ce qui leur intéresse, c'est de savoir que à telle heure, tu t'es connecté sur tel site pour faire un achat de tel type et que derrière ça, par exemple, si on élargit un petit peu, notamment par le biais en ce moment des apéros Skype et les gros trucs à la mode, bah, les apéros Skype, ça permet à ces entreprises-là de savoir qu'entre telle heure et telle heure, t'es connecté avec telle personne pour faire des apéros. Il faut savoir qu'elles ont possibilité de d'avoir accès un petit peu aux conversations, etc. Et donc de savoir quelles sont tes habitudes. Ça dévoile tout un tas de choses et ça permet après de profiler. Et en fait, l'article aborde ça très rapidement et redirige vers un autre article qui dit que en fait, de profiler les gens comme ça, ils arrivent maintenant, et c'est hyper fort, mais c'est hyper pervers, ils arrivent en fait à profiler des comportements de façon prédictive, c'est-à-dire qu'ils arrivent à anticiper ton besoin par tout ton historique d'activité, et ils vont donc te proposer ça parce qu'ils anticipent que tu vas être à la recherche de telle chose, alors tel produit, tel service, tel contenu, etc. etc. C'est très très fort, mais on tombe dans une passivité totale de l'utilisateur et c'est dramatique. Tu manges toujours la même chose, tu regardes les mêmes films, t'écoutes la même musique, tu voilà. Et c'est bien parce que t'as rien à faire, ça te tombe tout dans la bouche quoi. C'est triste parce que je reste persuadé. Enfin tu vois, je sais que c'est un truc que j'avais posté sur Twitter il y a quelques temps de ça parce que ben justement ça avait été un des débats sur un live de Nowtech et c'est vrai que j'avais été je rejoignais assez son avis qui disait que un des gros leviers d'action et qui en plus est à la portée de tout le monde, c'est de passer justement d'utilisateur passif à utilisateur actif. Et alors, comment tu fais pour bloquer l'influence des algos sur ce que tu fais aujourd'hui sur Internet ? Parce que tu passes forcément par un fournisseur d'accès qui, lui, sait ce que tu fais. Tu es logué à ton compte Google ou Facebook qui va savoir ce que tu fais. Je sais pas, comment tu changes vraiment. Après, il y a plusieurs approches. Je suis pas non plus partisan de l'approche extrême qui est de se fermer, de se couper de tout parce que bah, malheureusement aujourd'hui c'est plus possible. Si c'est les cinq grandes puissances du numérique le sont là où elles sont aujourd'hui, c'est pas pour rien et elles ont de toute façon une emprise sur nos quotidiens qui est quand même importante. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de tout ça et que en fait, ce que tu vas faire sur Internet, que peu importe ce que c'est, tu le fais parce que c'est toi qui as décidé de le faire et pas parce qu'on te l'a suggéré et que tu as conscience qu'à partir du moment où tu fais ça, ça va avoir telle chose de répercussion en termes de proposition. Tu vois, le truc pour revenir sur YouTube, qui est un truc qu'on connaît tous bien, je reprends ce que je disais tout à l'heure, qui est la notion de c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus fait de partager du contenu qu'on n'a pas aimé pour se moquer de ce contenu en disant « Ah, mais regardez comme c'est de la merde, c'est nul, etc. » Sauf que le problème, c'est que, encore une fois, un logiciel, un algorithme, c'est bête et méchant, et il n'a pas du tout cette notion de jugement et de goût. La seule chose qui va retenir et qui va rester en termes de données, c'est que c'est du contenu que tu as partagé. Donc du coup, c'est du contenu qui t'intéresse. Donc du coup, c'est du contenu qu'on va te proposer. Et tu t'enfermes comme ça dans une spirale de merde, en fait, parce que t'as partagé un truc pour te moquer, pour dire que c'était de la merde, mais sauf qu'au final, on continue de te le proposer. Ah, du coup, c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement, quand tu partages pas les gens que tu apprécies, non seulement tu les aides pas à se faire connaître, à avoir une plus grosse communauté, à pouvoir se développer, mais en plus, c'est des contenus que, naturellement, on va te proposer de moins en moins. Ce qui est fascinant. Ah ben oui, complètement. Complètement. Donc, et après, c'est pour ça que tu te retrouves, effectivement, il y a énormément de gens qui disent des trucs, j'ai souvent vu passer dans les choses, quand je discutais avec des gens, où ils me disaient, ouais, mais moi, quand j'aime bien un truc, je partage, c'est vrai que je partage pas forcément, mais parce qu'après, moi, de toute façon, je suis personne, je connais personne, donc ça sert à rien. Mais si, bien sûr que si. Ça sert non seulement pour le créateur de contenu ou la personne que t'as envie de soutenir et que t'as envie d'encourager, parce que déjà ça lui montre à elle que t'as aimé. La majorité silencieuse, elle est silencieuse et c'est bien ça le plus dommage. Mais au-delà de ça, en termes de données pures et dures, ça envoie un signal à l'algorithme de référencement ou à tout autre programme que c'est du contenu que tu as apprécié ou en tout cas c'est du contenu qui suscite un engagement chez toi. Voilà, c'est juste ça en fait, c'est il n'y a pas de notion de goût, c'est bien ou c'est pas bien, c'est une notion d'engagement. C'est-à-dire que c'est du contenu qui t'a fait réagir. Et Internet et toutes les sociétés, elles cherchent ça. Parce qu'un contenu qui te fait réagir, c'est un contenu qui a engendré du temps de disponibilité pour toi, c'est donc du temps pour lequel on a pu te placer de la pub ou on pourra t'en placer plus tard par rapport à la thématique, etc. etc. Donc c'est intéressant. Donc ne fermez pas les commentaires sur vos chaînes YouTube. C'est un point précis. Il y a plein de facteurs, mais oui, notamment les commentaires et les pouces rouges et les pouces bleus, enfin les pouces en l'air et les pouces en bas. C'est des indicateurs de réaction. Alors oui, si t'as plus de pouces rouges que de pouces bleus, c'est pas forcément positif. Mais ça suscite de l'engagement, encore une fois. La meilleure des choses à faire si vous n'avez pas envie qu'on vous propose un certain type de contenu, n'en regardez pas. C'est la meilleure des choses que je puisse dire, et ça semble pourtant hyper logique. Et il y a ces boutons sur les contenus. Ça ne m'intéresse pas sur YouTube. Ouais. Tu peux dire ça, ce contenu ne m'intéresse pas et on t'en propose moins. Et, j'ai super bien ça, tu vois. C'est une mise à jour qui est assez récente, hein. Ça a quelques mois, mais depuis effectivement quelques mois sur l'interface de YouTube, tu as sur la page d'accueil pas la page tendance, hein, la page d'accueil, ton feed d'accueil te propose différentes vidéos qui sont en relation avec ton historique proche. Et en fait, sur la petite partie à droite, tu peux en cliquant dessus les trois petits boutons là en haut à droite. Ouais. Il te dit, tu peux dire ce contenu ne m'intéresse pas, quoi. Yes. Et c'est un message clair et fort envoyé à l'algorithme, en l'occurrence, dire non, ça sert à rien de me pousser du contenu comme ça, j'en veux pas. Mais. Et tu l'as dans le truc recommandation aussi, quand tu regardes une vidéo et que tu as sur la droite une colonne de recommandation, tu peux à ce moment-là dire que ça t'intéresse pas. Okay, cool. Mais là, tu vois, on revient, et c'est une très bonne chose que YouTube ait mis ça en place, mais. On en revient à une notion d'actif. Parce que ça demande à ce que toi, utilisateur, tu fasses l'effort d'aller... Et voilà, exactement. Tu envoies le signal très clairement au robot pour dire non, ça m'intéresse pas. Mais si tu le fais pas, tu restes dans ta spirale de merde, quoi. Et je peux dire une connerie ? Mais bien sûr, on est là pour ça. Sur toutes les publications de l'Estaminerd, par exemple, il y a aussi des boutons partager. Et du coup, on peut partager les épisodes pour les faire connaître à ses proches, en fait. Mais c'est incroyable ce que vous me dites là. Pour faire connaître ce podcast. Et oui, sur Twitter, sur Facebook, ou même directement sur la page lepodcast.fr de l'Estaminerd, tu peux partager cette publication et faire découvrir ces épisodes graveleux. Et pourtant, insérer ici un mot qui fait bien. Tu peux partager, les épisodes de ce podcast. De toute façon, ça impose que les gens aient déjà tenu une heure. À mon avis, ils sont tous barrés, donc ça va. Maintenant, on peut raconter ce qu'on veut. Non, ils attendent les histoires de caca. Quand on parle de tout ça, ça me fait penser à deux trucs. Effectivement, que les gens, en fait, il y en a qui vont dire de toute façon, moi, je regarde pas YouTube, il y a que de la merde. En fait, si tu vois que de la merde, c'est sûrement que t'as commencé par regarder de la merde et que du coup, on continue de te proposer de la merde. C'est aussi parce que tout le monde a une certaine curiosité un peu morbide, hein. Je veux dire, c'est comme les accidents de voiture sur le bord de la route. En vrai, t'as pas envie de voir, mais quand tu vas passer, tu vas toujours jeter un œil, tu vois, parce que tu sais que c'est un truc, c'est un truc qui va t'interpeller. C'est comme ça. Donc, même si tu sais que ça va être une vidéo de merde, les gens ont plus facilement cliqué sur des vidéos de merde avec des titres un peu débiles et enfin voilà les trucs en mode il mange 800 burgers à la minute. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Ouais, voilà, les trucs du genre. Et puis il y a un deuxième truc, par contre, dans toute l'analyse des algorithmes et de la machine derrière, c'est assez fou. Je dis toujours qu'on a déjà un pied dans ce qu'on appelait le cyberpunk quand j'étais petit, tu vois, genre Robocop et les trucs comme ça. Et là, en vrai, on est en plein dedans, quoi. Dans Blade Runner, il y a dans le livre de Philip K. Dick, ils ont un appareil qui s'appelle l'orgue d'humeur. Et donc le matin, quand il se lève, il règle la machine. Et genre, si t'as envie d'être un petit peu tatillon aujourd'hui, tu règles la machine et tu seras un petit peu tatillon. Mais en fait, on est presque ça. C'est-à-dire que la machine va régler ce que tu vas regarder, va régler et donc en fait de là, ça va aussi déterminer ta journée. Parce que si la machine te propose que les trucs que t'aimes pas, ça va te vénère. Et enfin, il y a, on est déjà dans une ère où on n'a pas forcément le contrôle sur tout ce qu'on va voir et tout ce qu'on va faire. Et en fait, tes comportements sont décortiqués, mais ça t'emmène pas forcément vers là où tu veux aller. Tu vois, c'est assez assez intéressant et flippant en même temps. Le futur, c'est maintenant. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose du coup, mais en fait on a jamais eu autant accès j'ai vu un truc, alors je sais pas si les chiffres sont vrais, parce que tu vois, sur internet, les chiffres, on sait si ce que ça vaut. Ah, si c'est publié sur internet, c'est forcément vrai. Si je l'ai vu sur Twitter, c'est que c'est vrai. Je peux aller fact-checker si tu veux, y a pas de souci. Ah, écoute, je sais plus vraiment comment c'était repris, mais en gros, en termes de contenu publié, entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, enfin, si aujourd'hui, on publie en une heure ce qui était publié en un an au Moyen-Âge. Enfin, tu vois, à peu près, hein, c'est une moyenne que je refais de tête, hein, parce que j'ai pas les chiffres exacts. Mais en fait, on n'a jamais eu autant accès à autant de contenu dans toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que même si tu remontes à n'importe quelle époque où ils ont pu avoir déjà des bibliothèques énormes et tout, aujourd'hui, potentiellement, qui que tu sois et où que tu sois, si tu as un accès à Internet avec un téléphone intelligent, tu peux avoir accès à absolument toute la connaissance, ou presque, de l'être humain. T'auras peut-être pas accès aux trucs secrets de la NASA, tu vois, mais limite tu pourras comprendre comment ça fonctionne quasiment jusque dans les détails, quoi. Et en fait, on s'en sert pas. On s'en sert pour aller voir des vidéos de chatons, on s'en sert pour aller voir des mecs manger 800 Big Mac, on s'en sert. Donc, on demande pas à tout le monde de devenir astrophysicien, je pense qu'on s'emmerderait aussi. Mais ce que je ne comprends pas, moi, c'est les gens qui se plaignent de ne pas trouver du contenu à leur goût. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire que vous, on vous demande pas de devenir un crack en physique chimie, on vous demande pas de devenir un dingue, je sais pas, de telle ou telle espèce animale et d'être capable de me détailler toutes les espèces d'oiseaux qui existent. Enfin, j'en sais rien, je te demande pas d'avoir des connaissances extraordinaires, je te demande pas de parler toutes les langues en même temps. Mais le mec qui me dit ah bah de toute façon sur YouTube il y a que de la merde, ou genre j'écoute pas de musique aujourd'hui parce que tous les artistes que j'aime sont morts, moi j'ai entendu ça un jour, je veux dire, c'est, il y a rien de plus triste que de dire je n'écoute plus de musique parce que tous les artistes que j'aime sont morts. Mais enfin, il y a tellement d'artistes doués sur cette putain de planète, il y a tellement de mecs qui font des trucs d'enfer dans leur garage qui sont écoutés par trois personnes, mais putain, mais ah, c'est inadmissible de dire ça. Moi j'ai arrêté de manger de la pizza depuis que j'ai su que l'inventeur de la pizza était décédé, hein. Donc, ah ouais, non, bah, je comprends. Je me dis plus grand chose pour tout vous dire d'ailleurs. J'ai faim là. Mais alors l'inventeur du couscous n'est pas mort, c'est ce que j'en ai dit. Mais ça, j'ai pas vérifié, mais ouais, je peux aller fact-checker ça aussi. Ah ouais, puis, ça serait pas mal parce que. Repas, et non, mais. Et on a, voilà, quand, genre, on a accès à une quantité infinie de trucs. Évidemment, si tu ouvres n'importe quelle application de musique, on va te sortir les trucs à la mode qui sont bien ou qui sont pas bien, c'est pas le problème. Ça te plaît pas, je m'en fous. Mais si ça te plaît pas. Tu peux forcément, justement, à partir d'un artiste que t'as aimé, même s'il est mort, déjà, bon, tu peux toujours réécouter ce qu'il a fait, ça c'est un fait, mais il y a tellement de gens doués qui font plein de choses partout, je ne comprends pas qu'on puisse me dire, j'ai arrêté ma culture à telle date, j'ai décidé qu'après telle date, j'allais arrêter de découvrir de la musique, enfin, tu vois, non, bah, moi, à partir de 2010, j'ai tout arrêté, je n'écoute pas de musique qui date d'après 2010, pas de films d'après 2010, pas de... C'est impossible, enfin c'est le mode de vie le plus triste du monde. Même ma grand-mère ne fait pas ça, tu vois, j'en sais rien. Enfin, faut être complètement insensé pour faire ça. Mais tu te souviens de cette étude qui disait qu'on n'écoutait plus de nouveaux groupes passé 30 ans ? Oui, je crois qu'on en parle à peu près à chaque fois qu'on parle de quelque chose, mais Et ouais, alors après c'est pareil, tu vois, sur quoi ça se base exactement, j'en sais rien. Mais en fait, je pense qu'il faut aller même si c'est pas scientifiquement hyper établi quoi qu'il en soit. Il faut toujours être curieux d'aller découvrir des trucs. Moi, j'ai découvert, enfin, je suis pas du tout, par exemple, j'écoute pas de rap, tu vois, ado, j'écoutais du métal et tout ça. J'ai jamais été fermé musicalement, mais j'ai pas une culture rap extrêmement développée. Il n'empêche que j'ai découvert plein d'artistes de rap que j'apprécie. Après, effectivement, c'est pas le courant musical qui est prédominant dans mes playlists et tout, mais ça m'empêche pas d'écouter plein de trucs. C'est comme les films, il y a plein de films forcément c'est pas du tout bah par exemple Détective Pikachu, j'aurais pu partir avec un gros a priori, dire oh c'est pour les gamins, c'est avec un monstre en 3D, c'est de la merde, les Pokémon c'est pour les gosses, enfin tu vois, il y a des gens de mon âge qui ont pourtant grandi avec les Pokémon et qui pensent comme ça, et ça n'empêche pas au film d'être très bon. Donc je pense qu'il faut déjà lâcher ces a priori. Non, mais c'est des gens qui n'aiment qu'une catégorie de Pokémon, ils aiment que les Pokémon de feu et les Pokémon d'eau, ils y touchent pas. Du coup ils ont dit ah non, Pikachu non. Mais je pense qu'il faut déjà lâcher pas mal d'a priori, et ensuite il faut avoir la curiosité d'aller chercher. Alors ça, c'est effectivement, c'est peut-être le plus gros effort qu'on peut demander aux gens, c'est de dépasser les recommandations de Spotify, les tendances YouTube, les liens qui sont mis en avant sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, si tu postes un truc sur les réseaux sociaux, ça sera toujours moins mis en avant que n'importe quel lien viral à base de titres un peu racoleurs et de fausses news. Genre, le dernier truc, c'est quoi que je vous ai partagé il y a pas longtemps ? Putain, j'ai oublié avec qui c'était en rapport, mais... Je sais plus quelle meuf, Scheim. C'était oui, c'est ça. Le titre. Elle a, le qui titre. Perd son compagnon là. Voilà, ouais. Scheim enterre son compagnon. Alors j'ai dit putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi je voulais savoir qui était mort, tu vois. Je savais même pas que Scheim avait un mec, tu vois. Je dis putain. Et en fait, c'est son chien. Alors ok, dans les faits, effectivement, son chien est mort. C'est pas et drôle. C'est son compagnon. Moi, franchement, je tiens plus à mon chat qu'à plein de gens, tu vois. Donc, je comprends bien que cette situation ne soit pas drôle pour elle. Mais le titre racoleur, bon, c'était un truc people très racoleur aussi. Hein. J'ai cliqué vraiment pour voir jusqu'où ils allaient, parce que je sais en général que c'est absolument pas ce qui est dans le titre. Mais c'est extraordinaire de voir ce genre d'article popper et que le mec qui écrive ça ne se dise pas un seul instant que c'est quand même complètement hors sujet. Et en plus, c'est horrible, quoi. Enfin, je veux dire, t'imagines, si t'es le mec de Shine, tu dis, putain, ça se trouve, je suis mort, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, je veux dire, c'est super tendu, quoi. Donc, bon, voilà, après, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ça m'a fait rire récemment. Et, ouais, non, il faut que les gens soient curieux, et ça s'apprend pas. Si, ça s'apprend, mais ça s'apprend très tôt. Tu rends pas les gens curieux à 30 ou 40 ans, je pense qu'il faut, dès tout petit, apprendre les enfants à apprendre aux enfants à aller oui, parce qu'apprendre des enfants c'est ouais c'est, bah, il faut c'est, parfois c'est illégal, on apprend des enfants de leur comportement, mais en ma qualité de parent, il y a un truc, c'est que on s'ennuyait, tu vois, quand il y avait pas beaucoup de je vais faire le vieux deux minutes, il y avait pas beaucoup de chaînes de télé, il y avait pas forcément les émissions que tu voulais, il y avait pas accès à 15 minutes sur cinéma. On pas aller au cinéma, il y a quelqu'un à notre place, et du coup on s'ennuyait, et donc on était obligé de chercher des choses pour s'amuser. Aujourd'hui, moi j'ai un gamin de 7 ans qui sait pas s'ennuyer, en fait. Tu peux pas le laisser, il est tout le temps dans tes pattes, on se fâche, quoi. Enfin, tu vois, je le gronde pour dire, mais laisse-moi deux minutes, quoi. Je le tape et tout, à l'ancienne. Et en fait, il y a de la sollicitation tout le temps, quoi. C'est-à-dire que si tu lui laisses du temps pour rien faire, étant donné qu'il sait qu'il a accès à des contenus sur des plateformes de SVOD et qu'il peut regarder un peu ce qu'il veut sur Netflix, sur des plateformes comme ça, que de toute façon, il a une tablette sur laquelle il peut avoir des jeux, que ça n'intéresse pas, en fait, de traîner, de dessiner et de jouer tout seul, d'essayer d'inventer tout seul des trucs de Playmobil, quoi. C'est... voilà. Du coup, tu cherches pas à créer des trucs et tu cherches pas à te trouver tes propres solutions. Et peut-être que faut éduquer rapidement, enfin, faut éduquer très tôt les gens à chercher et à être un peu curieux. Bah, est-ce que ça vient pas de là, en fait, sans faire le vieux con? Mais tu dis pas à ton gamin, tiens, viens, on va faire des Lego, et en fait, tu le laisses faire et toi, tu fais juste semblant de bidouiller des trucs et tu vois pas construire quelque chose. Devant tes yeux, viens, on va sauter du pont, et comme ça tu le laisses faire et hop, c'est en fait, si on se met tous les deux à bricoler des Lego, moi je vais commencer à construire un truc, genre viens, on fait ça et tout, et en fait lui va se mettre dans son coin à construire ses conneries. Ouais, bah, et donc du coup il crée là à ce moment là ouais, mais ouais, mais non, mais on est dans une société de il veut faire ça, mais c'est à toi de le faire, en fait. Enfin, c'est compliqué, enfin. On est dans un système de l'instantané. Les gens n'attendent plus pour rien. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus attendre la sortie d'un jeu, ne veulent plus attendre la sortie d'un film. On a bien attendu Yanda pendant un épisode entier. C'est vrai que, oui, mais bon, là, voilà, quoi. Il y a des choses qu'on peut attendre, quoi. Il y a quelques exceptions encore. Mais, on n'a plus cette notion. Nous, quand on était gamin, ce que je disais, quoi, t'avais genre un trailer, une bande annonce, ça s'appelait pas des trailers à l'époque. Une bande annonce à la télé. Non, mais c'est vrai, t'avais une bande annonce à la télé, et genre si tu ratais la bande annonce, t'allais voir le film, tu savais, t'es genre vu trois photos dans Picsou Magazine. Et l'attente valait autant que le film ou que le jeu. Ouais, voilà. C'est pareil, t'attendais les jeux, t'avais deux, trois photos preview dans les magazines, c'est des photos floues de 3 pixels par 3 pixels, enfin. Aujourd'hui, un jeu est annoncé, t'as déjà tous les visuels, t'as déjà des mecs qui le stream en avance. Ouais, une semaine à l'avance, tu voilà. Peux déjà regarder le jeu, comment il s'est mis. C'est ça, tu sais avant de l'acheter vraiment à quoi il ressemblait, que nous, bah, des fois t'achetais un truc et en fait t'étais déçu parce qu'on te l'avait survendu et c'était bien de la merde. Je viens d'avoir une réminiscence d'un truc, vous vous souvenez du magazine Cine Live? C'est un truc qui sortait à la fin des années 90, c'était la révolution parce qu'il était vendu avec un DVD, ouais. un CD-ROM, t'as raison, CD-ROM, ouais. Sur lequel tu pouvais lancer les bandes annonces en point mauve et tu pouvais du coup avoir accès aux bandes annonces que tu pouvais enfin regarder n'importe quand, en fait. T'étais obligé d'attendre qu'elles passent dans Ciné 6 ou les trucs à la télé, quoi. Alors, ça, CD-ROM, on vient définitivement de perdre une grande partie de notre, qu'est-ce qu'un CD-ROM, notre auditoire. parce que, voilà. Mais après, dans un truc qui, pour moi, est hyper révélateur de ce comportement, bah justement, voilà, comme tu dis, enfin, comme on dit depuis tout à l'heure, passif et pas curieux, et un des gros drames pour moi, c'est la lecture automatique sur YouTube et sur Netflix. C'est un fléau. C'est un fléau parce que je le vois moi avec mes enfants sur Netflix qui Le fait que ça enchaîne les épisodes, tu veux dire? Ouais. Et sur YouTube, si tu ne le désactives pas, c'est activé par défaut et c'est un drame parce que tu te laisses nourrir quoi. Et pour moi, quand c'est un des premiers trucs que je dis aux gens de faire, je dis coupez cette lecture automatique, c'est de la merde et ça ne vous proposera de toute façon jamais rien de bon. Mais au-delà de ça, ça rejoint pour moi sauf si c'est une vidéo d'Yanda. Ouais. Mais il y a assez peu de chances qu'on t'en propose une autre derrière, parce qu'il y en a pas beaucoup, donc voilà, c'est quand même c'est compliqué. Mais ça rejoint un peu souvent les gens qui te disent qu'ils regardent. J'ai un débat notamment avec des gens au boulot, des collègues qui me disent ouais, mais moi le soir quand je rentre, je regarde les Marseillais ou les trucs ou les conneries de ce genre-là, la télé-réalité de mon cul, parce que j'ai besoin de me vider le cerveau et que voilà. J'ai pas besoin de réfléchir. Mais bon, déjà, cette excuse n'est pas valable, de toute façon, n'est pas recevable. Mais le problème, c'est que, effectivement, t'as pas besoin de réfléchir et tu regardes ça. Mais pourquoi ne pas mettre autre chose? Enfin, je veux dire, tu peux avoir des contenus bien plus intéressants qui vont pas te demander de réflexion à proprement parler, plus en tout cas que de regarder les anges de la télé-réalité ou Love Story ou autre quoi. C'est là qu'on voit qu'on est vieux, parce que Loft Story, je pense que les gens qui ont moins de 25 ans ne savent pas ce que c'est. Mais enfin, je me suis arrêté. Je me suis arrêté là. La piscine. Je me suis arrêté là à la télé-réalité, donc voilà, je sais que les Marseillais, les ch'tis, mais voilà. Et Secret Après, Story, ça existe encore ou pas? J'ai peur de tomber dans du racisme régional. Secret Story, ça existe encore ou pas? Je crois que c'est plus ou moins en stand-by. Si... J'ai vu passer quelques tweets qui demandaient la réhabilitation de cette émission. Et la ferme célébrité? Ah non, c'est fini, ça. Massimo Gardia, c'est bon maintenant, ça va. Non, c'est pour ça, non hein. Mais Secret Story, c'était compliqué parce que le dernier qui a gagné, son secret, c'était je suis atteint de nanisme et personne n'avait remarqué. C'est pour dire le niveau intellectuel des participants, quoi. C'était un peu dur comme émission. Enfin bon, bref. C'est une blague ou c'est... Comment il l'a fait pour non, le oui, secret? C'est une blague, oui, Valentin. Okay. Parce que il s'en serait capable, hein. Moi, ça m'étonnerait pas. Hein. Comment tu le fais pour le garder secret? Bah, non, mais tu dis que c'était un autre secret, en fait. Oh, tout le monde remarque que c'est une personne de petite taille. Et non, mais c'est pas ça mon secret, j'ai autre chose. Et donc, du coup, ils sont tous en train de se demander. Le secret, pas secret, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ouais, alors, l'histoire des Marseillais, moi, je l'ai déjà entendu aussi. Franchement, je ne comprends pas. Je comprends pas. Voilà, j'ai rien à rajouter. Mais merci. Franchement, je comprends juste pas. Dans les commentaires, pourquoi est-ce que vous regardez ces trucs-là, quoi? Qu'on comprenne. Tu penses que les gens qui nous écoutent regardent les Marseillais? Moi, les gens qui sont des gens plus intelligents que ça. 25 minutes de code de Yanda et qui regardent les Marseillais. Dites-nous pourquoi. Parce que là, nous, on voudrait bien savoir. Alors, je vais être sérieux de 2 secondes. On a eu cette conversation en privé. Je fais tomber des trucs, ne vous en faites pas. Conversation en privé. On parlait de, et tu vas pouvoir me donner le nom, mais de ces séries qui passent, qui sont très mal jouées, les séries françaises, pas Hélène et les garçons, mais ce genre de trucs-là. Chris, que regardent des personnes de ta famille, notamment. Ah oui, voilà. C'est vrai. Alors, c'est vrai. Alors, je peux le dire dans ce podcast. Ma mère, elle kiffe depuis que je suis tout petit. Elle regardait Hélène et les garçons et elle continue de regarder Le miracle de l'amour. Bon, alors attention, faut quand même préciser une chose, c'est qu'elle ne regarde pas ça au premier degré. Elle n'est pas à fond dedans. Comme on peut voir, par exemple, les fans de Plus belle la vie. Les fans de Plus belle la vie sont des gens qui sont parfois à fond dedans. Genre, les mecs qui vont attendre les comédiens à la sortie et tout, c'est assez ouf. Ouais, vas-y, fini. Vas-y. Mais donc, effectivement, regarde ça au second degré, parce que c'est mal joué, mais parce que ça la fait rire de voir des trucs, le mécanisme pour les Marseillais, les ch'tis et machin. Je pense que les gens, c'est possible. Intérieurement ou pas, mais que même ceux qui regardent ça de manière un peu sérieuse savent au fond que c'est surjoué, que c'est pas vrai, tout ça, et c'est juste en mode je me déconnecte le cerveau, je fais des guillemets avec. Oui, mais après, Brandon, il a trompé Brandon. Il y a aussi que il est trop beau, il est en maillot de bain. Ce qui nous gêne avec Yanda, j'aime ta foi en l'humanité, Valentin. J'apprécie. Après, j'ai un jugement là-dessus que je peux donner, c'est que je trouve que quand même que c'est un comportement de merde. Mais de faire la promo de ce truc-là en regardant et que tu peux tout à fait regarder autre chose et pas sans te concentrer pour autant et voilà. Mais je vois pas comment on peut regarder ça avec sérieux et être vraiment en mode premier degré. Attendez, ce truc-là, quoi. C'est quoi l'émission de télé un peu honteuse que vous regardez? Alors, on en a tous une. Moi, je regarde Pawn Star, par exemple. Je sais pas. Ouais, mais et là, t'apprends et des trucs quand même. T'apprends des trucs. C'est, l'excuse ça de j'apprends des trucs. C'est du Wikipédia de base, tu vois. Mais ah oui, machin. Non, c'est quand même un truc. C'est mettre en scène la vie des gens qui tiennent un troc de Lille aux États-Unis, quoi. Non, mais je suis d'accord. Mais alors, regarde la version française présentée par Sophie Davant. Par Sophie Davant, merci. Bah, non, vous êtes sérieux? Fait la même chose. Vraiment, oh merde. Oh merde. C'est pas, j'ai vu que des extraits de ce truc-là, mais entre ça et Pawn Star, il n'y a pas à chier, je regarde Pawn Star, même si ça me pète les couilles, ce montage de merde avec ses faux silences de suspense à la con, de « Oh, combien il va lui proposer en prix et tout ?» C'est insupportable. Mais mine de rien, le peu de fois où j'ai regardé, à chaque fois, j'apprenais un truc. Donc bon, j'étais content. Non, mais tu vois, ce qui est important et ce que Valentin dit, en fait, c'est aussi l'excuse. Et je pense que Yanda, c'est le problème qui soulève. L'excuse de dire « ça me vide la tête », c'est ridicule. De dire, à la limite, j'apprends des trucs, même si c'est effectivement des anecdotes de débile sur un flingue de la guerre de sécession, tu t'en serviras jamais dans Arpa, ouais, tu vois. Genre t'es à table, tu fais, saviez-vous que ce pistolet a servi pendant la guerre de sécession, principalement? Non, personne ne l'a utilisé. Tu n'as pas d'ailleurs. Bah en plus, mais bon, sauf si tu l'as volé dans le cache express à Roubaix. Mais tu vois, c'est plus l'excuse de dire je me vide la tête. En fait, ça veut rien dire. Je me vide la tête. Soit tu dis ça me fait. À la limite, vaut mieux être franc et dire je regarde ça parce que c'est débile. Ça me fait rire. Je trouve ça con. Ils sont cons. Ça me rassure sur moi-même de voir qu'il y a des gens plus cons que moi. Tu vois, j'en sais rien. Enfin, il vaut mieux le présenter comme ça que effectivement le côté je me vide la tête. Enfin personne. Enfin vider. Si tu veux te vider la tête, tu vas te promener. Je sais pas dans la nature, dans le calme. Tu vois, tu fais du sport. Tu fais du yoga, j'en sais rien, ou tu fais un truc qui te passionne, mais te vider la tête en regardant ça, c'est sûr qu'en marque, tu risques pas de la remplir. Mais tu vois, l'excuse, c'est l'excuse, moi, qui me dérange de dire je me vide la tête. Que tu me dises c'est débile, ça me fait rigoler parce que c'est des abrutis, à la limite, je dis ok, pas de problème, du coup, marre-toi bien, quoi. Mais c'est plus ce côté, l'excuse de je me vide la tête que je comprendrai jamais, quoi. C'est marrant que tu dises pour se vider la tête, fais du sport, fais quelque chose comme ça. Enfin, moi, c'est le moment où je pense le plus, en fait, dès que je suis pas occupé. Genre, j'ai mal. j'ai mal. Mais pourquoi je me fais ça à moi-même? Quel connard. Si vous avez des soucis, des trucs insolubles, des trucs pour lesquels vous n'avez pas de solution, du coup, donc insoluble, bref. Moi, je fais la vaisselle. Enfin, c'est con, mais t'as les mains occupées, t'es bloqué, t'as rien à faire, t'as pas besoin de réfléchir. Et en du fait, coup, ça t'oblige à salir de la vaisselle exprès. C'est un peu chiant. Salir. Je lave de la vaisselle déjà propre, parce que je trouve que mon lave-vaisselle est pas fifou. Ah, c'est un concept. Et non, mais du coup, ça permet de. Enfin, c'est comme ça que je trouve des solutions au truc, quoi. C'est comme ça qu'on a fait nos meilleures inventions. D'ailleurs, ce podcast n'a pas été imaginé en faisant la vaisselle, et ça se voit aussi par rapport aux différentes choses qu'on a pu faire. Mais ouais, je sais pas. Moi, c'est à partir du moment où je suis où le corps fait un truc où t'as pas. Enfin, je sais pas. T'as pas le cerveau occupé quand tu fais du sport, quoi. Enfin, je suis. Je trouve non, mais je prends cet exemple-là en mode, tu vois, tu vas te vider l'esprit en faisant un truc qui te défoule ou qui t'occupe ou qui te fait penser à autre chose. Si ton kiff, c'est, moi, je sais pas, je vais faire de la musique. Il y a des mecs qui vont peindre, tu vas peindre tes figurines Warhammer, tu vas être hyper concentré, tu vas plus rien penser. Enfin, tu vois, t'as des millions d'exemples. Tu vas faire du montage, tu peux, coloriage, enfin, des mandalas. Voilà, oui, il y a des gens qui font, apparemment, ça marche très bien, le coloriage, ça marche très bien. Ça. Franchement, ouais. J'ai jamais essayé, mais voilà, pourquoi pas. Je pense pas qu'il y ait une solution plus débile ou plus intelligente qu'une autre, mais c'est bizarre de dire je regarde un programme télécom pour me vider la tête. Je pense qu'il vaut mieux faire une activité où t'es en fait réellement occupé. Tu vois, tu vas t'occuper les mains, tu vas t'occuper physiquement. Masturbe-toi si tu veux, par exemple. Au moins, tu seras occupé physiquement, mais tu vois, seras complètement vidé du coup. Peut-être et peut-être pas, mais en tout cas voilà, je pense que le fait de se vider la tête, ça passe pas par le fait de regarder un truc idiot, quoi, c'est tout. Vous avez jugé beaucoup de gens. Oui, c'est vrai, bah, ils l'ont bien mérité. Ouais, mais en même temps, on est à l'Estaminerd, c'est quand même un débit de boisson à la base, voilà. Donc j'ai envie de dire, Tavernier, mets-moi la petite sœur. D'ailleurs, j'avais prévu dans l'intro, avant de lancer les premiers sujets, de dire qu'est-ce que je vous sers, on est dans l'Estaminerd, tu vois, pour faire un peu genre qu'est-ce qu'on boit ce soir, et je me suis dit ça pourrait être rigolo de mettre une sorte de rituel où à chaque fois on doit avoir une boisson à choisir au début du truc, quoi. Moi je suis ce serait un peu rigolo. Moi je connais plein de boissons, alors vas-y. Ouais, Vas-y. Tu vois, c'est dommage, on est parti depuis 1h35 et c'est ça, c'est dommage d'avoir l'idée maintenant parce que les gens qui se sont barrés ne le sauront jamais, quoi. C'est moche. Le pire, c'est que pour le pilote, j'avais de quoi rafraîchir mon gosier et là, j'ai rien pris. Là, j'étais pas motivé. Mais... Bah, pour les prochains épisodes, vous me direz, bon, et Tolier, alors. Bah, c'est ça. Bah, le pilote, j'étais tout seul, donc je suis en mode, bon, je suis le seul à picoler. Et du coup, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Bah, du coup, moi, rien, puisque j'ai rien pris. Ok, non, c'était en fait c'est une question et il faut une réponse virtuelle. Tu sais, t'es pas obligé de le faire pour de vrai. Du coup, ouais, pour premier degré. Valentin, c'est le seul mec qui à la radio quand tu dis là, je suis super bien habillé. En fait, t'es pas obligé. D'accord. Donc tu as expliqué ta vanne, donc je vais expliquer la mienne aussi. J'ai répondu de manière premier degré pour faire une blague de fait que c'était second degré. Tu vois, c'est mon humour. Tu me connais bien pourtant, Matt, d'habitude. Je propose qu'on coupe tout ce qui s'est passé les 3 dernières minutes au montage. Moi aussi, ça me va très bien. Voilà, ça sera totalement transparent pour les gens. C'est peut-être pas plus mal. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Parce que j'ai coupé ce qui s'est fait avant. Merde, je t'ai fait une saturation de bâtard là. J'ai de la Corona dans mon frigo pour de vrai. J'essaie de faire remonter un peu leurs chiffres parce qu'ils ont perdu 33% de chiffre d'affaires depuis le début du coronavirus. Donc, voilà. Et la mort de Jacques Chirac. Et là, ouais. C'était un très très gros soutien de la marque, il faut le dire. Ah bah là, c'était les premiers à tomber en récession, tu vois. En vrai, ça s'est vraiment effondré, Corona, avec l'histoire du coronavirus. Il y a eu très peu de gens soirée Corona, et voilà. Ouais. C'est vraiment cassé la gueule. Comme si la bière Corona allait pouvoir vous donner le virus Corona. Mais c'est triste, putain. J'ai écrit Corona sur la bouteille et il y a une épidémie de coronavirus. Moi, je réfléchis. Coïncidence, je ne crois pas. Non, moi j'espère par contre que ça va relancer la carrière du groupe Corona, hein, parce que moi j'adore l'Eurodance. Donc si on pouvait se refaire un petit Rhythm of the Night là tous ensemble sur les balcons, hein, sur les balcons au retour de confinement, moi j'en serais, hein, je serais le premier. J'ai proposé pour la boîte à qui je bosse qu'on fasse un sujet sur les coronas qui nous font du bien. Et donc il y a notamment un endroit Corona Hills, je crois un truc comme ça aux États-Unis qui est hyper beau, il y avait le groupe Corona, il y avait la bière Corona, il y avait plein de trucs en Corona en fait. Il y a moyen de faire un sujet sur le top 5 6 7 des coronas qui vous font du bien en fait. Ouais, du coup, j'ai une appli pour faire des pompes et qui est développée par une société qui s'appelle Corona. Et est-ce qu'elle te fait du bien? Bah maintenant je fais plus de pompes. Voilà. Donc, parce que t'as peur d'attraper le. J'ai pas envie d'être malade. Ouais, absolument. Est-ce que tu crois que le corona est un virus informatique du coup qui peut s'attraper par les applis? Oh merde. Mon dieu, mais c'est horrible. Je vais jeter mon smartphone. Bah, c'est ce qui arrive dans DC's, hein. Le BD dont on parlait au début de cette émission. Je crois que je suis le seul ici à ne pas l'avoir lu, mais. Non, je ne l'ai pas lu. Je peux pas l'acheter, je suis en confinement donc. Bah, c'est le pitch. C'est le pipitch. Mais je savais pas, tu vois. Le virus se transmet par l'internet. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de comics, en lien avec ce que Yanda disait sur les algorithmes, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il fallait absolument lire The Private Eye qui est sorti chez Urban Comics et qui parle de ça, de la génération d'après. En fait, c'est en gros le grand-père du personnage principal, c'est nous, c'est notre génération. Donc c'est voilà, ça se passe deux générations après nous. Et le pitch, c'est que nos historiques de connexion ont été rendus publics. Donc les fois où tu t'es connecté pour aller consulter tous tes petits secrets honteux sur Doctissimo ou ce genre de choses, et puis tes habitudes de consommation, et puis tout ce qui fait ton profil de consommateur, tout ça est devenu public et ça crée une nouvelle société et c'est hyper intéressant. Et c'est écrit par... Je vais effacer mon historique papy, mystère, tout de suite. Non, mais papy, il est hyper connecté, il veut streamer tout le temps, il veut aller sur Twitch, il est pas bien, il est pas du tout passé au monde post-internet quoi. Rappelle-moi ce que c'est ça. Ça s'appelle The Private Eye et c'est écrit par Brian K. Vaughan, le mec qui a fait Saga, Y, voilà. D'accord. Et Ex Machina. Oui. Eh, ben, je vais essayer de lire ça. C'est une. C'est complet en un tome. Voilà, et c'est. Et ça a la particularité d'être édité en format à l'italienne. C'est-à-dire qu'au lieu de tenir les pages en format portrait, vous devez retourner votre livre à 90 ouais. degrés et le lire en format paysage. Les pages sont en largeur. C'est une BD en 16/9. C'est chiant, ça. Je trouve ça trop chiant. Ouais, mais ça s'intègre mal dans une bibliothèque, hein, c'est relou. Ouais, puis même ça... à la lecture, tu dois toujours tenir le haut de ton bouquin, c'est chiant. Ça me fait penser à Superior Iron Man, qui était un peu basé sur cet esprit-là, où Tony Stark était un connard, où en fait il créait une appli qui rendait les gens genre super beaux, super bankable et tout, mais après il était obligé de payer un abonnement de dingue. C'était gratuit le première semaine. Ouais, voilà. Et ben en fait, c'était pas si mal que ça, cette histoire, c'était assez marrant. et bon, et c'est pas si éloigné que ça de la réalité en fait, à peu de choses près. Bien vu. Voilà, moi je le conseillerais pas parce que j'ai trouvé ça pas très bien dessiné. Non, c'est vrai que c'est pas très très beau, mais bon, ça passe, c'est une série Marvel. Moi je lisais ça dans je sais plus quel mensuel, chez Panini, quand tu lis dans un mensuel avec d'autres séries, ça passe. Après j'irais pas spécialement. J'aime bien le propos, j'ai pas lu ce truc là, mais j'aime bien le propos. C'était assez marrant, ouais. Que ce soit vraiment Iron Man qui fasse ça et pas un mec. En plus c'est une série assez courte, je sais plus s'il y a fait, je sais pas, ouais, ça doit faire 12 épisodes. Oui, non, c'est un volume, ouais. Ça doit faire, ça doit faire 8 épisodes en. Ouais, c'est possible, c'est donc. Excellent. Ça se lit assez facilement, quoi, c'est pas un gros truc. Tu t'entraînes pas dans une saga de dingue. Comment ça s'appelle alors ? Supérieur Iron Man. Il me semble que c'est ça. Bah après, pour ceux qui veulent pas lire de Marvel, comme moi, il y a un très chouette reportage qui est sorti sur Netflix, qui, je crois, n'a pas été traduit dans le nom. Il s'appelle The Great Hack, qui est un reportage qui montre, en fait, qui est rattaché à la fuite de données de Facebook et au scandale de Cambridge Analytica, et qui montre, en fait, l'utilisation des données faites par un groupe dans le cadre des élections américaines et la campagne d'élection de Donald Trump. Ça montre, voilà, très clairement la façon dont peuvent être utilisées les données récoltées par le biais d'un réseau social comme Facebook, à dessein bien précis, et en plus y arriver. Et arriver à faire de la manipulation de masse, tout simplement, enfin, sans le faire de façon, explicite, quoi. Et c'est un reportage très intéressant. C'est assez flippant, mais ça remet les choses dans leur contexte, quoi. C'est cool. Ils font de bons documentaires sur Netflix. C'est cool. The Great Hack, c'est exactement. Ça exactement. Je remarquerai quand même que moi, on passe quand même de Marvel avec Iron Man et une histoire relativement sympa à Yanda qui nous parle des mecs qui ont piraté les élections américaines. On n'est pas tout à fait. C'est pas du piratage d'élections américaines, c'est de l'influençage, ouais, de masse. C'est pire, je pour faire pencher après les élections. Et par quelle appli ils sont rentrés dans le compte Facebook des gens? C'est genre un jeu par MySpace. La con. Ouais, ils ont utilisé MySpace. Ouais, c'est ça. J'ai d'ailleurs un gros tableau Excel chez moi, si vous voulez. mais non, c'est ça. C'est les jeux, typiquement, en fait, c'est les jeux, cliquez ici pour savoir votre pourcentage de je sais pas quoi, ou quel signe êtes-vous, qu'est-ce que votre signe veut dire sur votre comportement, ou je sais pas, ou toutes ces conneries. Mais en fait, voilà, c'est des jeux. Alors maintenant, ça l'est un peu moins, en tout cas officiellement, ouvert et accessible en termes de données, mais fut un temps, et c'est encore un petit peu le cas, en fait, avant d'accéder à ces jeux-là, ou à ces services-là, tu dois accepter le fait que ces services récupèrent des informations de ton profil, plus ou moins importantes, et du coup, oui, c'était par le biais d'une appli de ce type-là, enfin d'un service de ce type-là, qu'en fait, ils se sont servis, parce que c'était bien plus ouvert que ça ne le laissait penser, et voilà. Et puis après, par rebond, en fait, ils peuvent récupérer des données d'amis à toi, c'est très, très large. C'est intéressant, du coup, que ce soit Facebook qui se soit fait avoir par ce genre de plan, genre une petite porte, et en fait tu récupères toutes les données, et c'était facile à faire parce que Facebook a été construit en fait par ça. C'est-à-dire que là, au début, il piquait des données sur des sites universitaires mal sécurisés, quoi. Bah oui. L'arroseur arrosé ? Bah oui. C'est là où je voulais en venir. Ça me fait penser à, il y a pas très longtemps, la chanson du dimanche est revenue. C'est un des premiers phénomènes internet made in France pour moi, la chanson du dimanche. Et ils avaient une chanson qui s'appelait 8-200-200, et donc pour revenir à ce que disait Yanda, les tests en mode pour quel animal es-tu fait, ou je sais pas quoi. Ouais, dans la chanson, il y avait quelques phrases qui étaient très drôles, notamment si tu veux savoir si ton mari est veuf, ou si tu veux connaître la couleur de tes yeux, tu vois. C'est un truc comme ça, et c'est tout à fait cet esprit-là des numéros à arnaque, et ensuite des tests à arnaque comme ça sur Internet, où on te propose en fait de savoir qui tu es vraiment. Hein. Et ça, c'est important. Découvre-toi toi-même. Tout à fait. Pendant un moment, je faisais les fausses pubs pour le Move. Je vous ai parlé des fausses pubs que je faisais pour le Mouv'. Ah, enfin une anecdote radio. Enfin, est-ce que ça implique du caca? Je faisais des fausses pubs Audiotel. Du coup, qui étaient tournées comme des fausses pubs, et c'était à chaque fois un truc à la con, quoi. Envie de savoir à quel âge tu seras ménoposé, envoie Méno au 6-20-30, par exemple. Et 6-20-30, c'était le vrai numéro de SMS de la chaîne, en fait. Du coup, vous avez reçu des messages. J'ai jamais pu avoir accès à cette information. Ah merde. Et avoir accès au service. Mais je me permets de penser que sur toutes mes fausses pubs, on a bien dû recevoir une ou deux personnes qui ont envoyé. Voilà. J'aimais bien. T'as rien à dire, alors envoie rien au 6-20-30. Mais je suis persuadé que c'est arrivé en fait. C'est trop bien. Et si ça n'est pas arrivé, laissez-moi vivre dans le déni. Ça me rend heureux. Ça fait de mal à personne. Tout va bien. Mais moi, je pensais que tous ces numéros, tout ça, ça avait, tu vois, c'était la mode, nous, quand on avait nos Nokia 3310, tu sais, où t'avais Snake, où tu pouvais télécharger un petit bandeau en pixels, tu vois, genre, personnalisé, je pensais que ça n'existait plus, tout ça. Et en fait, par exemple, dans les magazines télé, t'as encore des pages comme ça, avec des trucs genre télécharger des sonneries, qui télécharge des sonneries en 2020. Genre, aujourd'hui, ton téléphone, tu mets une chanson dessus, t'en fais une sonnerie, quoi. Et alors, comme il m'arrive de me lever très tôt pour le travail, parfois, le matin, j'allume la télé et je zappe. Et vous seriez étonné. De constater qu'il existe encore des tas de services payants pour adultes avec à base de SMS. Genre, je suis tombé devant les pubs. Non, parce que c'est comme ça que Valentin occupe ses journées. En fait, il est hôtesse sur un site d'adultes. Et je te jure, je suis tombé sur une série de pubs en mode envoie Cougar au 8-24-24 ou je sais pas quoi. Je dis waouh, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça existe encore. Et franchement, je n'en revenais pas, quoi. J'ai été scotché par les pubs nocturnes de je sais plus quelle chaîne. J'ai dit, je regarderai plus jamais la télé la nuit, c'est fini. Hein. Maintenant, le matin, quand je pars au boulot, j'allume plus la télé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de la plupart du temps, tous ces services-là, qui sont des services de remplissage, en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que les pages... un peu de technique. Les pages de pub... La technique. Il va nous falloir des jingles, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, hein. Il va falloir des trucs. Hein. Il faut que vous voyez... Si vous voyez bien une pendule... C'est une sorte de cercle, hein. Et ben sur ce cercle, comment ça commence? Les gens qui font de la programmation ont mis du temps de programmation pour de la musique, des émissions, des programmes et tout. Et il y a aussi du temps pour la pub. Et c'est du temps incompressible. T'as 4 minutes de pub. Si t'as trop d'annonceurs, bah t'as le choix entre les annonceurs que tu peux prendre et tu peux faire de la vente aux enchères de tes écrans. C'est cool. Mais qu'est-ce qui se passe si t'as pas assez d'annonceurs? Avec quoi est-ce que tu remplis les créneaux de pub que t'as pas réussi à vendre? Eh ben, la solution la plus simple, c'est d'avoir dans le groupe de médias pour qui tu bosses une boîte qui édite des audiotels. Et du coup, quand tu n'as pas de pub à mettre, tu mets des pubs pour tes propres services payants au téléphone. Et comme ça, tu combles tes espaces de pub. Tu passes pas pour un con. Oui, excusez-nous, là, il n'y a pas trop de pubs parce que ça marche pas en ce moment. Dans 2 minutes, il y a un disque et bougez pas. Et t'as quand même, du coup, ça te fait un comblage et tu as quand même... une petite chance que ce comblage te rapporte 1,49€ la minute parce que t'as vendu un service qui a parlé à quelqu'un à un moment, quoi. Intéressant. Je pense. Mais et oui. Par exemple, moi, c'est comme ça que j'ai fait la sélection comics. Quand je faisais la sélection comics, qui était cette chronique qui parlait de bande dessinée américaine et qui était diffusée en deux formats, soit 120 secondes, soit 60 secondes. Que l'on connaît tous, hein. Pas de fausse modestie. Marker. Tout Marker. Le monde connaît la sélection comics. Merci. Merci, bisous. En fait, 100% des gens ici connaissent la sélection comics. Au début, la sélection comics était diffusée sur un réseau de radios associatives. Toutes les radios associatives qui voulaient la voir avaient pris le format de 120 secondes. Et j'ai été contacté par une régie publicitaire qui, elle, était intéressée par le format de 60 secondes, qui m'a demandé de fabriquer pour elle un format spécifique de 60 secondes parce qu'elle s'en servait en cache-écran. Et donc, par exemple, si on entendait la sélection comics régulièrement sur Vibration, c'est parce que quand ils n'avaient pas réussi à vendre de pub en local, genre on a vendu de la pub à Nantes qui est diffusée sur l'émetteur de Vibration à Nantes, mais au Mans on n'a pas vendu de pub, donc il manque 1 minute, à ce moment là on diffusait la sélection comics. Et donc je savais pas quand était diffusée la chronique, je pouvais pas donner de rendez-vous. En revanche, elle était dispersée un peu partout en France à des horaires différents, elle était diffusée à chaque fois qu'il manquait une pub sur une antenne. Et ça permet de faire un peu le bouche-trou de la radio, quoi. Alors oui, d'une certaine façon, oui. C'est très flatteur, vraiment. Bah en fait, c'est d'un autre côté, il y a aucun média qui prend de contenu qui parle de bande dessinée et encore moins de bande dessinée américaine. Donc ça permettait de diffuser de la bande dessinée américaine par ce biais-là et de parler de BD américaine à tous ces gens-là, quoi. Voilou. Donc c'était cool. Mais bref, voilà, on a besoin de ce qu'on appelle des caches-écrans. Et donc, les caches-écrans, soit c'est des micro-chroniques qui sont faites comme ça, soit c'est des publicités pour des services payants qui sont édités par des boîtes qui appartiennent au même groupe de médias que la radio qui diffuse. Par exemple, vous savez que les radios, elles appartiennent toutes à des groupes. Vous savez que Nostalgie et Énergie, c'est la même boîte, en fait. C'est... Comme RTL et Fun Radio, c'est les mêmes gens en fait, et c'est les mêmes locaux souvent et tout ce genre de choses quoi. Oui c'est vrai, je me souviens. Pour quand j'étais allé chez Fun Radio à Paris, c'était le même local du coup. Une chouette anecdote d'ailleurs en rapport avec ça. C'est ma rencontre avec Gad Elmaleh. Eh bah vas-y, vas-y. Est-ce que c'est un rapport avec le caca? J'ai rencontré Gad Elmaleh à ouais. RTL en allant à Fun Radio. Non, c'était à Fun du coup. En fait, c'était le jour où alors c'était Arthur qui faisait son émission qui avait fait ses 24 heures ou ses 48 heures de radio non-stop. 36 heures. Voilà. Ou 38, ouais. Voilà. Et ben c'était ce jour-là. Nous on était j'étais avec un pote et on était sur Paris, on faisait le tour de plusieurs radios dont notamment Fun pour proposer en fait un projet musical. Et on avait donc tout un dossier de presse qu'on venait remettre en main propre parce qu'on était sur Paris ce jour-là. C'est ton groupe de rap ? Ouais. Et du coup, c'était un projet qu'on avait avec la sécurité routière. On avait monté un projet avec eux et donc on avait tout un dossier à les faire déposer et on faisait le tour des radios et on était allé à Fun Radio notamment à ce moment-là. Et en fait, on arrive donc on était dans le hall d'accueil et on arrive dans le hall et il y a personne. Donc on se dit bon ben on va attendre, c'est pas grave et en fait qui rentre au bout de 30 secondes? Gad Elmaleh. Donc il rentre, il me dit bonjour, normal, ouais bonjour, et en fait il se met à l'accueil, il attend, il me dit bah, y a personne, non y a personne, il dit ah bah ouais bon, il attend 30 secondes et en fait il dit oh, mais faut que j'y aille parce que en fait je suis attendu, et en fait il y avait une double porte mais qui était une porte enfin a priori qui ne s'ouvrait que depuis l'autre côté, c'était des portes coupe-feu et elles étaient fermées mais il y en avait une qui était en fait entrouverte. Et donc du coup, il ouvre cette porte et avant de rentrer, il nous dit mais vous attendez quelqu'un aussi parce que sinon venez. Et là, on se regarde avec mon pote, on dit bah vas-y, on y va. Et du coup, on dit non mais ouais, on va venir. Et donc on trace, on commence à rentrer, on rentre dans le couloir avec Gad, on dit ouais, qu'est-ce que vous faites là et tout machin, on discute, on lui parle vite fait du projet. Bande de cons, il en avait sûrement rien à foutre. Et du coup, on longe le couloir et on arrive au niveau de l'ascenseur, il appelle l'ascenseur. L'ascenseur descend, l'ascenseur s'ouvre, il rentre et il nous dit ben vous montez, ou on dit ben en fait on sait pas trop qui on va voir, il nous dit ben moi je vais voir Arthur en haut vu qu'il fait un truc de radio et tout machin, on l'entendait puisque la radio est diffusée dans le local, il nous dit ben si vous voulez venez. On dit bah ouais vas-y c'est bon, on est venu faire la promo de notre dossier de presse, on va finir à la radio, c'est cool. Et en fait au moment où on rentre dans l'ascenseur on se fait alpaguer par une nana qui arrive du bout ouais c'est la chute est moins bonne qui nous dit mais qu'est-ce que vous faites là en gros, et donc du coup et en fait on n'aurait jamais dû arriver jusque là puisque effectivement la porte coupe-feu n'était censée être fermée mais à ce moment-là précis il faisait des essais a priori avec l'alarme incendie ou je sais pas, il faisait des vérifs, ce qui fait que bah, en fait toutes ces portes qui normalement sont fermées elles étaient ouvertes. Et il y avait donc un libre accès au niveau de la radio qui nous a permis à nous de rentrer alors que normalement on n'aurait jamais pu arriver à être là. Et donc à 2 minutes près, on aurait pu se retrouver à la radio chez Arthur pour parler de notre projet avec mon pote. C'était rigolo. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Gad Elmaleh et qu'on a pu taper la discute un petit peu, qui était très cool au demeurant, très sympa. Et est-ce que c'était un discours que tu avais déjà entendu ailleurs quand il te parlait à toi ou Non, c'était okay. Non. Ça avait l'air très naturel, bon même si c'était un bon comédien, mais à ce moment-là, il était original, d'accord. Ouais, je pense, ouais. Okay. Parce que ça remonte un peu du coup. C'est marrant, quand j'étais à Fun, je me suis fait à peu près alpaguer moi aussi par une meuf de la même façon. Moi j'étais stagiaire à Fun alors, en 1995. Ah, j'avais coup, 5 ans. Ouais, pour moi j'étais au. Bah du coup j'étais en 3ème. Et en fait, j'écoutais Fun et je voulais déjà faire de la radio à l'époque et je me suis dit je vais aller faire mon stage en entreprise là-bas, ça va être trop cool. Et du coup, j'y suis allé et en fait, c'était pas cool du tout puisqu'on était dans un KGB au fin fond d'un couloir et notre boulot c'était de récupérer le courrier qui était envoyé à Fun Radio par les auditeurs. Et en fait, de me glisser une lettre type de réponse à l'intérieur, de mettre des photos dédicacées, 2-3 capotes, parce que c'est les années Love in Fun, Sida, tout ça, et puis de renvoyer. Et donc, on a renvoyé des kits Fun avec des capotes, avec l'autre stagiaire pendant toute la semaine, quoi. Que tu perçais avant de mettre dans l'enveloppe. Non, c'est des capotes, on rigole pas avec, la santé des gens, petit Valentin. Bah non, bien sûr, mais à 15 ans, on a tous été un peu roublards, toi le premier, mon cher Matt, voilà. Ouais. Et pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, il s'agit de courrier physique et non pas de courrier électronique, donc avec une enveloppe, ouais, du papier, des timbres, tout ça, quoi. La e-capote, ça sert à rien, ouais, la e-capote, ça marche pas. Ah si, ça pourrait protéger des virus, hein, ça pourrait... Est-ce qu'on fera une spéciale stage de troisième un jour? Parce que je vois qu'il y a pas mal de choses à raconter sur les stages de troisième. Donc... Bref, tout ça pour dire que je passe ma semaine à faire des kits fun pourris machin et que le vendredi, un peu dégoûté de rien avoir vu, on s'incruste en studio avec un animateur qui était là et qui nous fait signe de rentrer, qui était plutôt cool. Et franchement, on a eu une durée de vie de... Elle est 190 secondes dans ce studio. Là, je pense que c'est la même meuf de fun qui doit être chargée de virer les gens qui sont pas à leur place. Elle a dû voir un voyant qui s'est allumé sur son tableau, qui dit « Quelqu'un n'est pas à sa place !» Elle a débarqué en studio, nous a renvoyé à faire nos enveloppes vite fait. Et voilà. Et c'était pas bien du tout comme stage, en fait. Oh, mais c'était quand même chez Fun. Ah ouais, c'était fun. C'était fun, quand même. C'était fun chez Fun. Ouais. Stephen Plaza. Et après... Ah bravo. Merci. On va se quitter là-dessus. Ouais, c'est parfait. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Ah, on garde les jeux d'idos de notre enfance et comment se lancer sur Internet pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi ce premier épisode officiel de l'Estaminerd. Un Estaminet, c'est un bar à bière et des nerds. C'est nous. On espère vous avoir diverti et ne pas trop vous avoir ennuyé. N'hésitez pas à partager évidemment cet épisode pour que l'algorithme soit content. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a saoulé ou ce qui vous a plu là-dedans. Et puis n'hésitez pas à retrouver Valentin sur YouTube, sur la chaîne V pour Valentin, Chris sur la chaîne Comics Raze, encore une fois sur YouTube, et Mister Yonda sur la chaîne Mister Yonda, qui pourrait reprendre vie un jour d'après certaines rumeurs de l'internet. Mais oui, c'est clair. Et à bientôt pour un prochain épisode, ou alors tout de suite si vous voulez réécouter cet épisode en appuyant sur replay sur votre application de podcast préférée. On est déjà sur on est en train de se faire référencer sur iTunes, mais c'est un peu long à cause du confinement. Deezer, c'est la même, on est déjà sur Spotify, ou alors sur Podcast Addict, sur Google Podcast, sur un peu toutes les plateformes, et nous sommes hébergés sur PodCloud, et donc lestaminerd.lepodcast.fr pour nous trouver en direct. Est-ce que je peux faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire dans les podcasts audio, mais comme j'ai pas de podcast audio, c'est mon premier officiel, j'aimerais beaucoup le faire. Si vous voulez nous aider vraiment, ça nous aide beaucoup, mettez-nous les notes maximales, les 5 étoiles sur les plateformes d'hébergement, c'est super pour nous. C'est une grande, mettez-nous 5 étoiles. 5 étoiles, s'il vous plaît. Par contre, si vous pensez que ça mérite 3,5, tu mets 3,5, toi, te forces. Non, tu mets 5. Tu mets 5. Tu mets 5 étoiles. C'est comme, c'est comme Médiamétrie, hein. Voilà. Justement, on parlait de Fun Radio il y a pas longtemps. Voilà. Si on t'appelle pour te demander quel podcast tu écoutes, tu dis j'écoute l'Estaminerd. Voilà. Et ben, si tu penses que ça vaut 3 étoiles et demi, 2 étoiles ou 4, tu mets 5 étoiles. Tu t'en mets 5 pas. Étoiles, ça t'empêche pas de mettre un commentaire où tu dis j'aurais plutôt mis 3 étoiles et demi. Mais, voilà, tu mets 5 étoiles. Voilà. Et puis sinon, au-delà de ça, mon bon tavernier, tu me mets ça sur mon ardoise, je réglerai la prochaine fois.